بعد. شوف أبو محمد، شوف إذا فيه صوت، شوف إذا فيه صوت، فيه صوت أبو محمد. طيب ممكن الإخوة والأخوات ممكن يفهمون فرنسية، إذا كانوا يفهمون فرنسية لا أحتاج إلى أن أكتب مرة أخرى إلى أن أترجم باللغة العربية، لا أحتاج إلى أن أترجم باللغة العربية، لكن لا أدري، خليني دقيقة نحي الأحمر. Moi je vais enlever les points rouges une seconde avant que un diable ne rentre. Et si vous comprenez tous le français, vous écrivez FR. S'il y a quelqu'un ou là une sœur qui comprend seulement l'arabe, vous écrivez AR. Voilà que là on fait comme il y a très vite parce que j'ai peur des autres qui rentrent. Riyad français, français. Oum Abdullah français, arabe. Masha'Allah, l'ouratan. L'ouqt salafiya 26. Abu Mohamed. Tarjim bil arabiya. Khalid ma fi wahd ma yahtaj arabiya. Salafiya 26 français. Khalas, kullouhum madama. Ouqt Amina ma ktbetch. Amina 88. عرب خلاص عربي فرنسي اذا راني نشوف عربي فرنسي افضل عربي فرنسي. طيب خلينا نحل وطي الاحمر، اخاف من هذه المشاكل هذه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم احبسوا صبيانكم، احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مرة أخرى، وأنا مسرور أني استطعت بإذن الله تعالى أن أدخل مرة. أدخل اليوم معكم لأنه كان كما لكم كان صعب الدخول. فإذا نعم قلت je suis ravi d'être avec vous ce soir. J'avais des problèmes avec la connexion. Et si jamais maintenant il se passe quelque chose ou là, je sors inshallah ta'ala et je reviens. Vous m'attendez un peu si vous pouvez bien sûr. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith dont à peu près voilà le sens, il dit que à la tombée de la nuit, à la tombée de la nuit, on ne doit pas laisser les enfants dehors jusqu'à ce qu'il fasse vraiment yani nuit, il fasse vraiment noir. Pourquoi? Parce que c'est une heure ou c'est un moment où les djinns et les diables يعني ils se propagent, ils sortent de leur trou, ils sortent de la mer, ils viennent de la mer, etc. Ils commencent à faire des problèmes, surtout aux enfants, comme vous devez le savoir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam حذرنا وبين لنا أنه فيه يعني أن هناك ساعة ساعة لابد الإنسان أن لا يترك الصبيان يخرجوا فيها وهي الساعة يعني قبل أن تكون الظلمة، لما تبدأ الظلمة بعد المغرب تبدأ الظلمة، هنا لابد أن نمنع الصبيان من أن يخرجوا إلى الخارج. لماذا؟ لأن الشياطين تنتشر وقد تؤذيهم. وكم من يعني صبي هكذا خرج وكذا فعاد إلى البيت وهو يعني إما معوج وإما عنده يعني صرع وإما عنده مرض، وهذا كله لماذا؟ لأننا لا نعرف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو نعرفها ونخالفها. Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana wa yu'limana dinana. Donc j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ou bien nous a montré qu'il ne fallait pas qu'on fasse sortir les enfants, surtout les enfants yani quand il ne fait pas bien nuit, quand il commence seulement à faire nuit, parce que c'est un moment où les diables et les shayatins sortent, viennent de la mer, sortent de leur trou, etc. Ils commencent à faire des problèmes surtout aux enfants, ils les frappent, ils les font tomber, ils font beaucoup de problèmes. C'est pour ça que nous, des fois, يعني par exemple on a un enfant qui est dehors, ensuite quand il rentre il pleure tout le temps etc, on ne sait pas ce qui s'est passé, alors que quand on fait la ruqya par exemple on trouve que il a par exemple c'est un diable qui l'a frappé etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il ne faut pas laisser les enfants sortir, et le prophète alhamdoulilah nous a tout montré, nous a montré que ces moments là on ne doit pas laisser les enfants sortir. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخي أبو محمد اتصل بأمينة 88 ماذا تريد؟ احتجت الجنة والنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار. فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال الله للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت، ولكل واحدة منكما ملؤها. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith صحيح, il a dit احتجت الجنة النار. يعني il y a eu comme ce qu'on appelle un débat entre le paradis et l'enfer. Ils ont commencé à parler entre eux, à faire une sorte de débat. فقالت الجنة يدخلوني الضعفاء والمساكين. يعني je peux dire que le paradis et l'enfer se sont pleins, يعني le verbe plaindre. الجنة قالت يدخلوني الضعفاء والمساكين. يعني ما بالي لماذا لا يدخلوني إلا الضعفاء والمساكين. Donc le paradis a dit, il s'est plaint, il a dit, et pourquoi, ou bien je me demande pourquoi seulement les faibles et les pauvres yani rentrent en moi, yani au paradis. Je ne suis yani, il n'y a en moi, c'est le paradis qui dit ça, il dit ne rentre en moi que yani les faibles et les pauvres. Wa qalat an-nar yadkhuluni al-jabbarun wa mutakabbirun. Et l'enfer a dit ne rentre en enfer que les tyrans et les oppresseurs, ou le mutakabbirun et les vantards, ceux qui se vantent etc. Yani ils ont dit cela à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal leur a répondu, قال الله تعالى للنار, il a répondu à l'enfer, il lui a dit anta adabi, tu es ma torture, yani c'est avec toi que je torture. Antaqimu bika mimman shi't, antaqimu biki afwan mimman shi't, tu es ma torture, il parle de l'enfer, tu es avec la chose avec laquelle je torture, je me venge de toi, yani avec toi, de qui je veux, je me venge de qui je veux, yani je chirole yani stamiloki li antaqim biki mimman shi't, je te si je stamilo ok yani bon je trouve pas le mot. Il dit Allah Azza wa Jalla dit toi tu es mon enfer et intérim, je me venge avec toi de qui je veux. Ensuite il a dit au paradis anti rahmati, ah je t'utilise pour me venger de qui je veux, je t'utilise, il dit de l'enfer, je t'utilise pour me venger de qui je veux. Ensuite Allah Azza wa Jalla a dit au paradis anti rahmati, tu es ma clémence, anti rahmati arhamu biki man shi'tu, anti rahmati tu es ma clémence, yani je t'utilise pour être clément envers qui je veux. Wa li kulli wahidin minkuma mil'uha, et chacune des deux, toi yani le paradis et toi l'enfer, yani vous serez plein le jour du jugement dernier. Et vous savez que Al-Sunna al-Jama'a, nous inshallah ta'ala Sunna al-Jama'a salafiyun inshallah ta'ala, نقول بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن. On dit que le paradis et l'enfer existent maintenant. On dit pas comme les autres ils vont exister. Ils existent maintenant. L'enfer et le paradis, moi je suis en train de vous parler maintenant, il existe l'enfer. Il existe et le paradis existe maintenant. Et ونقول أيضا أن الله عز وجل س يعني يجعل في جهنم الكافرين ويجعل يعني الصخور ويجعل الأشياء لماذا حتى لأنها تأكل بعضها بعضا فتحتاج لهذا تشتكي جهنم. حتى يعني الله عز وجل يقول هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى الله عز وجل يضع عليها كما في الحديث الصحيح قدمه عز وجل، في رواية صحيحة يضع رجله فتقول قط فينزوي بعضها إلى بعض، وإلا فهي لا تمتلي. Donc Al-Sunnah al-Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent à propos de l'enfer? Ils disent que le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla fera rentrer tous les mécréants là-bas. Ensuite, bien sûr, il fera rentrer aussi beaucoup de musulmans, mais qui ne seront pas dans le même degré qu'avec les mécréants, dans un autre degré plus bas, car ceux-là, il les fera sortir, mais les kuffars, ils ne sortiront jamais. Ensuite, Allah Azza wa Jalla jettera avec les kuffars, il jette des rochers, etc. Les rochers, Sukhur ou Al-Ahjar. Ensuite Allah Azza wa Jalla dira à l'enfer, est-ce que ça y est, tu es plein? Tu dis, elle va dire, hel min mazid, ajoute encore. Ensuite Allah Azza wa Jalla va ajouter des gens et des pierres. Elle dit, ensuite il dira, tu es plein, elle va dire, ajoute encore. Ensuite Allah Azza wa Jalla, les gens de la sunna et du consensus, Al-Sunnah al-Jama'a, disent, Allah Azza wa Jalla mettra son pied Azza wa Jalla sur Jahannam, sur l'enfer, et à ce moment-là seulement elle dira ça y est, et voilà, elle sera pleine, il n'y aura plus de place quand Allah Azza wa Jal mettra son pied dans le paradis. Ça c'est ce qui concerne le paradis. Amma fi ma yakhussu al-janna, Allah Azza wa Jal kama la yakhfa alaykum annahu ba'da an yudkhil ahl al-janna al-janna fal-janna hiya wasi'a wa kabira wa kabira ila daraja أن الله عز وجل ينشئ فيها خلقا جديدا حتى يملأها، وإلا فهي لا تمتلئ، عرضها عرض السماوات والأرض. En ce qui concerne le paradis, il est tellement grand, le paradis tellement vaste, tellement grand, tellement vaste, tellement grand, tellement vaste, que Allah عز وجل va créer le jour du يعني au paradis, il va créer des créatures, des personnes qui ne sont jamais venues sur terre. Pourquoi? Tellement le paradis est grand et vaste, il y a tellement de vide qu'il va créer des gens pour le remplir un peu. Et bien sûr, il ne se remplira pas totalement, mais au moins pour qu'il n'y ait pas yani, beaucoup de vide. هذا فيما يخص هذا الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Entre parenthèses, je dis une chose pour mes frères et mes sœurs qui comprennent bien l'arabe et le français en même temps. Je dis bien pour mes frères et mes sœurs qui comprennent bien les deux langues, l'arabe et le français. S'il y a une sœur ou un frère qui comprend bien l'arabe et le français, il dit à Abu Muhammad qui n'a pas de point rouge, il lui dit, ensuite moi, il me donne son nom, je lui enlève le rouge, comme ça il peut nous aider dans la traduction Barakallahu fih ou Barakallahu fih al-Ukhtadi. Car, inshallah ta'ala, il ou bien elle aura le ajr. Pourquoi? Parce qu'elle nous aidera à faire la da'wah il Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفهما جميعا او انعلهما جميعا واذا لبست فابدا باليمين واذا خلعت فابدا باليسرى. الرسول صلى الله عليه وسلم راى احدا يمشي وهو قد لبس حذاء واحدا وترك الرجل الاخرى دون حذاء، فقال هذا الحديث. Le prophète صلى الله عليه وسلم a vu quelqu'un qui avait mis par exemple un soulier ou bien une sandale dans un de ses deux pieds, et il a laissé l'autre pied sans sandale, il marchait comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu marcher comme ça, il lui a dit ahfihima jami'an, marche les deux pieds nus ou in'aluhuma jami'an, ou bien mets les sandales dans les deux pieds, yani ne marche pas avec un seul pied, il y a une sandale et l'autre pied nu, non, ne marche pas comme ça, ou bien les deux pieds nus ou bien les deux avec les souliers. احفيهما جميعا او انعلهما جميعا يعني لا تمشي بحذاء واحد في رجل واحدة. Il a montré dans un autre hadith wa qala fi hadith thani hada yani fi ma ma'na qala mishyatu ash-shaytan, le diable fait ceci, et nous ونحن والسنة والجماعة مأمورون بمخالفة الشيطان ان الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا. Et nous les musulmans on est obligés, on nous a ordonné de ne pas faire comme le diable. Le diable fait beaucoup de choses, bien sûr. Plus on connaît ces choses, plus on sait comment ne pas faire comme le diable. si on ne sait pas ce que fait le diable, on ne peut pas ne pas faire comme lui. On va faire comme lui parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Donc le diable, quand il marche avec un seul soulier. S'il trouve un soulier, il marche avec un seul soulier. Jazakallahu khair. Lahda, Bilal, salaf, inshallah. Khani, chouf, on rach Bilal, hada. On rach, on a Bilal, Bilal, Bilal. Al-Ain, muslima, bonor, zumzum. Bilal, salaf. Jazakallahu khair. Naam. Donc le shaitan hada, il marche avec un seul. Enfin, chouf, safisti hada. Pardon, une seconde. Safisti. Naam. Donc le shaitan hada, il marche avec un seul soulier. Nous, on ne doit pas faire comme le shaitan. Et si tu sais que le shaitan fait quelque chose et tu essaies toi de faire le contraire de ce qu'il fait, tu as un ajr. Tu as un ajr. Pourquoi? Tu as bien fait. Parce que Allah Azza wa Jalla qui t'a dit inna shaitan alakum adoun. Le diable est un ennemi pour vous. Fattakhidou adoua. Prenez-le ennemi. Ne faites pas de lui un ami. Faites de lui un ennemi. Donc Si le diable mange avec la gauche, nous on mange avec la droite. S'il marche avec une seule sandale, nous on marche avec deux. S'il donne avec la gauche, nous on donne avec la droite. S'il prend avec la gauche, on prend avec la droite. Et ainsi de suite. On fait toujours le contraire de ce que fait le diable. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لبست تبدأ باليمنى. نعم لما تدخل رجلك في الحذاء تبدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى. Et si tu enlèves نعم وإذا نزعت وخلعت رجلك تخلع باليسرى. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, si tu veux par exemple mettre tes souliers, tu commences par la droite. ابدأ باليمنى, fais rentrer le pied droit. Et si maintenant tu as mis les souliers, tu veux les enlever. Tu commences avec quoi? Tu commences avec la gauche. Tu commences avec la gauche, tu l'enlèves la première. Le premier pied. Donc, quand tu veux rentrer les pieds dans les souliers, tu rentres d'abord le pied droit. Quand tu veux enlever, tu enlèves d'abord le pied gauche. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, a dit, il faut que tu fasses de sorte que le pied droit soit le premier à rentrer et le dernier à sortir. Naam, le pied droit dans les souliers, c'est lui le premier qui rentre dans les souliers et c'est lui le dernier qui sort des souliers, car tu fais sortir le pied gauche. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana lana sunnatahu annana idha labisna al-ahdiya nabda bil yamin awalan wa idha naz'na al-ahdiya nanz'a al-yusra wa laysa al-yamin. Wa lihadha qala sallallahu alayhi wa sallam fima ma'nah qal ij'al al-yamin أول من يدخل وآخر من يخرج. اجعل اليمين أول من يدخل وآخر من يخرج. ونحن الحمد لله إن شاء الله تعالى نقول سلفيون, والله أعلم من دارنا فعلا سلفيون أم لا, لكن دعو الله عز وجل أن يجعلنا من السلفيين. السلفي كيف تعرفه؟ السلفي لما تعلمه مثل هذه الأمور يقبلها ويفرح ويقول هذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وإن تطيعوه, يعني الرسول, وإن تطيعوه تهتدوا, يعني نزيدكم هدايات. هذا سلفي يحب كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير السلفي لا يحب مثل هذه الأمور, ويحب تكلم على السياسة فقط وعلى الجهاد وعلى الاغتيالات فقط. قل له تعالى نتعلم الدين, هذا يقول لك لا, هذه الأمور توافي وهذه قشور وهذه معاذ الله واستغفر الله. Je disais en arabe que le salafi, comment savoir qu'on est un salafi ou on l'est pas? Il y a bien sûr plusieurs références. Parmi l'une des références, le salafi, quand tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ceci, voilà comment qu'on mange, voilà comment qu'on boit, voilà comment qu'on dort, voilà comment qu'on écrit, voilà comment qu'on parle, toujours il est content et il sent yani, sa foi grandir, ça lui plaît qu'il imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il obéisse à ses ordres et à ses yani tawjihatuhu. Parce qu'il sait, parce que le salafi sait que à chaque fois que tu fais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, à chaque fois que Allah azza wa jalla t'aime en plus. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Mais celui qui n'est pas salafi, quand tu lui dis par exemple, voilà le prophète alayhi wa sallam a dit, quand tu rentres tes pieds dans les souliers, tu commences par la droite, ensuite tu sors la gauche. Il va dire, ah, laisse-nous ces choses-là, ce sont des futilités, peut-être, il va dire des choses, il va dire, ce sont des épluchures, ce sont des choses banales. Les gens sont en train de mourir et le djihad, etc. Et les gens sont montés à la lune. Et toi, tu nous parles comment on rentre le pied, comment on sort le pied, etc. Et bien sûr, celui-là, c'est parce qu'Allah Azzawajal ne lui a pas encore ouvert son cœur pour qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si on aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vrai amour, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète crachait, ils plongeaient tous sur son crachat pour voir qui le premier d'entre eux va prendre ce crachat pour s'essuyer avec. S'il pouvait, même il y a certains hadiths où ils disent que certains ont bu son sang, certains ont dit ont bu son urine. Pourquoi? Parce qu'ils l'aiment beaucoup. Maintenant, tu dis à quelqu'un, le prophète, voilà ce qu'il a dit, il va rire. Il va dire, toi, tu es toujours prophète, ce qu'il a dit. Ce sont des futilités. Et voilà une très grande preuve que celui qui dit ça est très loin de l'islam et bien sûr très loin du manhaj salafi. Très, très loin. Le manhaj salafi est au septième ciel, lui, il est à la septième terre, qui est en bas, la septième terre. Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana wa yu'allimana dinana wa an. يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن نقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ensuite, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال وهذا الحديث رقمه 203 قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith numéro 203 qu'un hadith, vous savez, les hadiths, il y a trois sortes. L'authentique, ensuite le moyen, ensuite le faible. Voilà, et nous, Sunna ou Jama'a, on travaille avec l'authentique, on travaille le moyen. On ne travaille pas avec le faible et le menti, mais le fort, l'authentique. Et le moyen, Adam, il s'appelle Hassan. Je ne sais pas en français comment on croit dire hadith Hassan. Moi, j'ai dit moyen comme ça de ma tête, mais ce hadith, on travaille avec. Sunna ou Jama'a, ils disent on marche avec l'authentique et le Hassan. Donc, le prophète Ali sallam a dit. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Le hadith bon, نعم, le bon hadith. Il y a l'authentique, il y a le bon, il y a le faible. Le faible, il y a le menti, le fabriqué. Celui-là, c'est un hadith bon. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète عليه السلام? Cache tes parties génitales. Cache ce que tu ne dois pas montrer. Cache-le. Cache tes parties génitales. J'ai dit parties génitales, comme ça de ma tête. عورتك, أظن إن شاء الله تعالى, les parties génitales. Illa min zawjatik, seulement de ta femme. Ou ma malakt yaminuk, mulk al yamin ma'ruf, l'insan lamma ykun fi harb wa kada, fa kull al kuffar alladhina yumsakun wa ou yahra mathalan yafirun thumma yumsakun ou yuslimun, kullum hadu yadkhuluna fi madha fi al asra wa yusbihuna mulkan liman amsakahum. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كاش تي بارتي جينيتال سولمون دو تا فام دو تا فام سي با انتردي او بيان موك يمينوك يعني اون اسلام اون بو vous savez on se marie quand on se marie avec une femme bien sûr libre et on peut en même temps on peut faire ce qu'on appelle موك اليمين ça s'appelle pas un mariage موك اليمين par exemple dans une on va à la guerre sainte يعني les kuffars par exemple, bon, beaucoup vont mourir, certains vont s'enfuir, les esclaves, ceux qui vont rester, si on veut, on prend par exemple une ou deux esclaves, en islam c'est permis, mais on peut pas faire ce que fait l'homme avec la femme, avec cet esclave, sauf si on fait un acte qui s'appelle pas le mariage, mais qui s'appelle mukliyamin, avec mukliyamin là, on peut, yani on est comme marié, mais on n'est pas marié. On est comme marié, c'est un deuxième acte. Quand on le fait, si on a un garçon par exemple, il n'est, comment on dit, la femme a dit, on ne dit pas d'elle c'est une zouja, on ne dit pas c'est une épouse, on dit ummu walad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose avec Maria, le Qibtiya, qui était une chrétienne bien sûr, il a eu avec elle Ibrahim. Quand on compte les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne compte pas Maria. Pourquoi? Ce n'est pas une épouse. C'est la mère de son enfant. Umm Walad, c'est la femme, la mère de Ibrahim. Donc celle-là, on peut lui montrer, bien sûr, les parties génitales. Donc on ne montre qu'à la femme, qu'à l'épouse et qu'à celle-là avec laquelle on fait un acte de mukliyamin. قيل إذا ما دلنا بالعربية إذا فهموا ولم يفهموا في الإسلام الإنسان إذا تزوج مثلا بأمة تزوج معها بعقد ليس عقد زواج إنما مكل يمين عفوا قلت يتزوج لا يطأها بعقد مكل يمين ولا تكون زوجته إنما تكون ماذا تكون أم ولده كما كانت ماريا القبطية كانت أم من أم إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا إذا يعني قرأتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون ماريا القبطية لماذا لأنها ليست زوجته إنما هي كان يطأها بملك اليمين فهي أم ولده إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل كون البروفيت عليه الصلاة والسلام أدي احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل alors on lui a dit إذا كان القوم بعضهم في بعض si on est comme ça en groupe يعني en groupe comment qu'on va faire si par exemple on est en groupe dans un endroit où on va enlever comment qu'on va faire فقال صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها si tu peux afin que personne ne voit tes parties génitales il faut que personne ne voit si tu peux afin que personne ne voit il faut que personne ne voit قيل إذا كان أحدنا خاليا وإذا كان أحدنا يعني وحده خاليا استطيع فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه من الناس ensuite la dernière question on a dit au prophète صلى الله عليه وسلم bon quand on est en groupe bien sûr on essaie au maximum de ne pas montrer cela sauf si je ne sais pas quelqu'un tombe ou bien il est malade ou bien on est obligé par exemple il y a un médecin avec nous il va obligé de lui enlever les gens vont voir de loin bon mais si on peut ne pas montrer on est obligé de ne pas montrer ensuite on lui a dit si on est seul je suis seul dans la maison il n'y a personne avec moi est-ce que yani, je peux montrer yani, je peux marcher nu comme on dit maintenant le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas Allah azza wa jal on doit avoir honte de lui plus que des gens parce que voilà la différence entre un musulman et un mécréant quand il est seul il dit je suis seul un musulman il n'est jamais seul jamais au grand jamais il n'est seul il y a toujours Allah azza wa jal sur son trône qui est en train de le voir tout ce qu'il fait avec détail voilà la différence entre un kafir quand il est seul ferme la porte il dit alhamdoulilah je suis seul personne ne me voit je vais faire ce que je veux le musulman dit non je ne suis jamais seul Allah azza wa jal ne dort jamais ne somnole jamais Allah azza wa jal ne dort jamais ne somnole jamais donc le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit même quand tu es seul essaye de ne pas être nu qu'est-ce que ça veut dire cela ça veut dire quand je ne sais pas peut-être il y a des gens qui font cela quand il est seul il marche nu dans la maison ça ne se fait pas on doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est nu avec sa femme c'est permis mais moi je parle quand on est nu seul sans raison comme ça et dans le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bayin anna l'insan idha kana wahda wa fi khalwa wa la yajuzu lahu an yabqa uryanan لأنه لابد أن يكون في قلبه من الوقار والاستحياء من الله عز وجل ما يجعله لا يحده قلت هذا الفرق بين المؤمن والكافر الكافر يقول أنا خلاص أنا وحدي في خلوة يفعل ما يشاء أما المؤمن يعلم أنه أبدا مطلع عليه من فوق عرشه عز وجل لا تخفى عليه خافية فلهذا لابد أن يستحي من الله أكثر مما يستحي من الناس ولهذا لا يمشي في البيت عريانا ولا يكون عريانا إلا مثلا إذا كان يغتسل أو كان مثلا مع زوجته فإن هذا مباح أما أن يعري ويمشي دون سبب هكذا عريان فإن هذا ليس من أخلاق المسلمين فضلا عن السلف رضي الله تعالى عنهم Ensuite, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez poser des questions en ce qui concerne ce que je viens de dire. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث 177 في الحديث 177 عفوا 178 قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبا حبيبك يوما ما ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هذا الحديث العظيم الذي قاله صلى الله عليه وسلم من لا ينطق عن الهوى le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith numéro 178, une chose que même peut-être les psychologues peut-être ne connaissent pas. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est dire que tout ce qu'il dit, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne parle pas de sa tête comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de ses passions. Il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît, parce que c'est lui qui a créé les créatures. Allah ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Ahbib habibaka hawnan ma. يعني إذا أحببت أحدا يعني فلا تبالغ إنما أحببه يعني إلى في درجة المعقول واترك دائما بينك وبينه هامشا من السر فلا تقول له كل شيء. لماذا؟ سنذكر لماذا. البروفيت عليه الصلاة والسلام قال si tu aimes quelqu'un, une femme elle a une amie, un homme a un ami, moi j'aime mon ami, j'aime mon cousin, j'aime... si j'aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Si tu aimes quelqu'un, N'exagère pas dans ton amour envers cette personne. N'exagère pas. Aime-le, yani, mais laisse toujours une petite marge entre toi et lui, une petite marge où tu ne lui racontes pas tout, par exemple. Laisse toujours une petite marge entre toi et ton ami. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. ثم قال صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون باغيدك يوما ما نعم هذا الذي جعلته صديقا وبالغت في حبه وفي مودته وفي إعطائه كل الأسرار قال عسى أن يكون يوما ما باغيدك ما يدرك القلوب لماذا سميت قلب فتقلب ممكن بعد فترة قليلة يصبح من أعدائك يصبح من ألد أعدائك وهناك تندم ندما عظيما وشديد وكبيرا أنك يعني قلت له كل شيء وأنه يعرف كل أسرارك أصبحت تخاف منه جدا. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit quand tu aimes quelqu'un, aime-le sans exagérer, laisse toujours une marge entre toi et lui. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi. عسى أن يكون بغيضا يوم من ما بغيضك peut-être qu'il فيه الحلب الحين إن شاء الله تعالى فيه إن شاء الله تعالى أظن أنه فيه صوت إن شاء الله تعالى أخذ فيه صوت لأنه انقطع الصراع أظن أنه صوت. نعم le prophète عليه الصلاة والسلام a dit quand tu aimes quelqu'un n'exagère pas en ton amour envers lui car il se peut qu'il devienne l'un de tes plus grands ennemis. Naam, tu as raison. Sadaqta ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est vu, ça c'est... Yani, les gens l'ont vécu. Beaucoup de gens ont vécu des choses pareilles. Il aime quelqu'un, il lui raconte tout. Tous les détails. Les plus petits détails, il les raconte. Ensuite, voilà que celui auquel on a tout raconté, on a fait confiance plus qu'à nos maris, plus qu'à nos pères, plus qu'à nos mères, et voilà qu'il est devenu l'un de mes plus grands ennemis. Et maintenant, je sais qu'il connaît tout de moi. Maintenant, j'ai une grande peur. Je ne dors pas la nuit. Peut-être demain, il va tout dire à l'internet. Il va écrire dans les journaux. Il va me faire un grand chantage. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi sallam, t'a montré comment tu dois marcher avec les gens, comment tu dois fréquenter, les limites que tu dois laisser. Et nous, on ne connaît pas le prophète, sallallahu alayhi sallam, on le connaît de nom faqat, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais connaître sa sunna et son hadi, on est tous très très loin de cela. C'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam nous a montré que quand on aime quelqu'un, on laisse toujours une petite marge et on se dit peut-être que celui-là, demain il va être mon ennemi, pourquoi il ne va pas l'être? Les cœurs, ça s'appelle qalb, cœur, en arabe on dit qalb. Pourquoi? Yataqallab, il change le cœur. D'une heure à l'autre, il peut changer. Celui-là auquel j'ai tout raconté, hein, il y a quelqu'un qui va lui dire deux mots dans son oreille, il va devenir mon ennemi. Il va lui donner un peu d'argent, il va devenir mon ennemi, etc. Donc, n'oubliez pas que quand vous aimez quelqu'un, de laisser toujours une marge entre toi et lui, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما. والعكس لما تبغض أحدا لا تبالغ في بغضه حتى تتعدد الحدود ولا تنسى أنه عسى أن يكون في يوم من الأيام من أحب أصدقائك ومن أحب أحبابك، فتستحي على ما فعلت معه من ظلم ومن تجاوز للحدود ومن أمور لا يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le contraire, ça veut dire quand tu détestes quelqu'un, n'exagère pas aussi dans ta haine, n'exagère pas. Il est possible que cette personne ou cet ennemi que tu détestes va devenir l'un de tes proches, l'un de tes amis les plus proches. Ce jour-là, tu auras honte lorsque tu seras avec lui. Tu diras, subhanallah, celui-là, je l'ai insulté, j'ai menti sur lui, j'ai fabriqué des choses, j'ai dit des calomnies, j'ai. Mais maintenant, c'est trop tard. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours, quand on aime quelqu'un, laisser une marge, et quand on déteste quelqu'un, laisser une marge et dire on ne sait jamais celui-là, peut-être, d'ici demain, tout va changer. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزيد بعض الأحاديث الصحيحة التي ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيح الجامع. قال بحث عن حديث قال هذا الحديث ذكرناه مرة لكن نعيده لأنه أتى مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que notre prophète Ibrahim عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شيخ الموحدين, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est circoncis. Il a fait la circoncision à l'âge de 80 ans. Parce qu'avant, il n'y avait pas la circoncision. Le premier qui s'est circoncis, c'est Ibrahim alayhi salam. Min qabl lam takun mawjouda hadhihi al-farida hadhihi yani al-ikhtitan. Hadha sunnah hadhihi wa hiya wajib ala kulli hal. Lam takun mawjouda. Fa awwal man ikhtatana Ibrahim alayhi salam wa kana 'umruhu ana dhak 80 sana, ikhtatana bil qadum. Ba'dhum qala qadum hiya al-ala al-ma'rufa wa ba'dhum qala بلد يسمى القدوم, مثل ما تقول فلان اختتن بالكويت, اختتن بالجزائر. والشيخ ابن حجر عليه رحمة الله جمع بين الروايتين, قال اختتن بالقدوم يعني الآلة بالقدوم في مكان اسمه القدوم. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ibrahim s'est circoncis, on fait rentrer la plante, on fait plus qu'il y a un bâton. Ma fille saut Abu Muhammad, c'est ta kata fi saut mushkila list min indi, c'est ta kata fi saut la hache. Abu Muhammad, l'âge c'est pour couper le bois. Ça c'est pas une âge, c'est quelque chose comme ça, kadouma, yani avec laquelle on plante. Par exemple, on veut planter une fleur, on fait un trou comme ça dans la terre, quelque chose qui a un bâton, ensuite on a quelque chose comme ça. Peut-être c'est une âge, je sais pas. Al-Muhim, ce qui nous intéresse, c'est que quand le prophète a une machette, voilà, je crois que c'est une machette, je crois. Quand le prophète alayhi sallam a dit Ibrahim, c'est il s'est circoncis à l'âge de 80 ans avec une machette. Parce que autrefois il n'y avait pas avec quoi circoncire. Ensuite, c'était la première fois que le premier homme qui allait faire cela. Ensuite, le prophète Ibrahim alayhi sallam, comme vous devez savoir, était assez grand. Et n'était pas de notre taille. Et était assez grand, comme vous devez le savoir, de taille. Ensuite, certains ont dit hadi qadoum, on dit c'est une ville qui s'appelle qadoum. C'est comme qu'on dit maintenant, par exemple on dit x par exemple c'est circoncis, par exemple bil qadoum, par exemple en Algérie, au Koweït, au Qatar, yani qadoum hadi, on dit c'est une ville, ikhtatana bil qadoum, c'est circoncis en cette ville qui s'appelle يعني القدوم لا ماشيت. اي ابن حجر في الفتح الى جوا entre les deux versions, il a dit il s'est circoncis avec une machette, la machette avec le bois et le fer, dans une ville qui s'appelle la machette. والله تعالى اعلم. ولا يخفى عليكم ايضا لا يخفى عليكم أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام، وفي النساء أول من اختتنت هي سارة. سارة كما لا يخفى عليكم، سارة هي أول من اختتنت من النساء، وإبراهيم هو أول من اختتن من الرجال. Donc comme vous devez savoir, le premier homme à faire la circoncision, c'est Ibrahim alayhi salam parmi les hommes, et sa femme Sarah parmi les femmes. C'est la première à être circoncise parmi les femmes. On a dit une fois, bayyana marra anna al-ikhtitan binisba lirijal huwa inshallah ta'ala wajib liqawlihi sallallahu alayhi wasallam alqi 'anka sha'r al-kuf thumma ikhtatin. Amma binisba lin-nisa fa huwa faqat makrama wa laysa biwajib. Man sha'at fa'alathu wa man lam tasha' لم تفعلوا. En ce qui concerne la circoncision, pour les hommes c'est une obligation, on doit le faire quand on devient musulman. Maintenant alhamdoulilah c'est très facile, j'ai dit une fois avec le médecin ça prend pas peut-être plus d'un quart d'heure et on n'a aucun mal avec l'anesthésie etc. On n'a aucun mal, c'est très facile pour ceux qui rentrent en islam. Et pour la femme ce n'est pas une obligation, si elle veut le faire elle le fait, si elle ne fait pas elle est libre et elle n'a pas de hitm. Elle n'a pas de hitm. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une obligation pour les femmes. Et j'ai dit que pour certains pays, ils le font yani, par habitude. Comme par exemple au Soudan et comme en Égypte. En Égypte, si une femme n'est pas mariée, pour eux, yani, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de. Jusqu'au point, peut-être qu'ils disent que si elle n'est pas circoncise, elle n'est pas musulmane. Yani, pour eux, c'est quelque chose de grave. Mais si vous allez par exemple en Algérie ou bien dans un autre pays, c'est le contraire qui est vrai. Faire la circoncision à une femme, c'est quelque chose d'étonnant et c'est quelque chose que yani, pas tous vont yani, accepter. Al-Mouhim, on a dit maintenant Hukm al-Ikhtitan, ou anna wajib bin nisba al-Rijal, ou makrama faqat bin nisba al-Nisa, ou anna ulaysa bi wajib. On intaqid ila hadith akhar. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إذا أتاك الله تعالى مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, yani à peu près dans ce sens, si Allah Azza wa Jal te donne un bien, par exemple te donne de l'argent, ou bien il y a une personne qui vient et te donne quelque chose sans que tu aies demandé cette chose, قال ولم تشره إليه نفسك وأنت ترى أن نفسك ليست متعلقة به ولم تكن يعني تريد ذلك وتحرص عليه إنما أتى هكذا وحده قال فاقبله ويسو بيان. فيه تقاطع أبو طالب فيه تقاطع ليس نعم c'est pas de ma faute déjà que l'internet marche alhamdoulilah c'est déjà quelque chose. Maintenant s'il y a des coupures ولا peux rien faire. Bon, je parle le maximum يعني, avant que ça se coupe. قلت, le prophète عليه الصلاة والسلام m'a dit si quelqu'un te donne quelque chose, par exemple te donne de l'argent ou là fait un cadeau, une voiture ou là quelque chose, tu la prends. Pourquoi? C'est Allah Azza wa Jal qui te l'a donné. Mais Allah Azza wa Jal n'aime pas quoi? N'aime pas que toi tu demandes aux gens et tu leur dises donnez-moi. Et il y a des gens qui sont les sahaba radiallahu ta'ala anhum, لما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من بين ما أخذ منهم قال أن لا تسألوا تعاهد الله عز وجل أن لا تسألوا الناس شيئا أن لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو من فوق دابته لا يقول لأحد ناولنيه إنما ينزل ويأخذه. سبحان الله العظيم. نعم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a fait un pacte avec les sahaba et leur a dit, et bien sûr nous aussi parce qu'on le suit, il a dit vous faites un pacte avec Dieu que vous ne demandez mais tu ne demandes à quelqu'un une chose si tu n'es pas dans l'obligation. Il a dit au point que au temps des salafs, quand quelqu'un était par exemple sur son chameau, ensuite par exemple ou bien son cheval, il avait par exemple un bâton dans sa main et le bâton tombait, Nous, on peut dire à celui qui est debout par terre, on lui dit, donne-moi le bâton, s'il te plaît. Le prophète sallam a dit, les salaf ont dit, personne ne demandait, même pas le bâton. Il descendait de son cheval, il prenait son bâton et il montait une deuxième fois sur son cheval. Pourquoi ? Pour ne pas dire aux gens, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Alors ensuite, lorsqu'il va dire, pourquoi celui-là, il me fait travailler, ensuite cela. Donc, تستغني عن الناس تستغني عن الناس ازهد كما في الحديث الصحيح ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في ايدي الناس يحبك الناس c'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans le hadith sahih يعني ازهد في الاسيتيزم يعني éloigne-toi de la vie ce bas monde de ses plaisirs de ses etc Allah عز وجل il va t'aimer éloigne-toi de ce qu'il y a dans les mains des gens les gens vont t'aimer نعم انت الناس إذا كنت كل يوم تقول الإنسان أعطيني أعطيني أعطيني يعطيك مرة ثانية مرة ثالثة ومن بعد يبدأ يتكلم فيك ومن بعد يقول هذا طماع هذا أنا أكثر علي هذا كذا ويمن عليك لكن إذا كنت لا تطلبه دائما فتريد هو يريد أن يعطيك والله هو يريد أن يعطيك maintenant si à chaque fois on dit à quelqu'un donne-moi aide-moi ceci j'ai pas je n'ai rien donne-moi ça il va donner une fois, deux fois, ensuite il va dire, il va même te détester, il va à chaque fois qu'il te rencontre, il va changer de rue, il va dire, celui-là il va me donner, donne-moi, voilà j'en ai marre, là, je peux pas aller donner toujours, donc, mais si tu lui dis jamais donne-moi, tu trouveras que les gens, eux, voudront te donner, pourquoi ? Parce qu'ils sauront que tu n'es pas un tamma, quelqu'un qui dit aux gens, donnez-moi, ولهذا قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله قال فيما معناه قال وأعلم وأن فيما معناه قال يعني حتى الذي يعطيك جرعة ماء فإنك تسقط في عينيه بقدر تلك الجرعة نعم حتى تقول الإنسان أعطيني الماء بجنبك أعطيني الماء جزاك الله فإذا أعطاك الماء فقط أعطاك الماء فقد تسقط من عينيه بقدر هذه الجرعة لماذا لم تتناول أنت الماء وحدك وتشرب لماذا تقول له أعطيني الماء C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit même quand tu demandes de l'eau c'est rien, donne-moi un verre d'eau. Tu demandes de l'eau à quelqu'un, il a dit ce quelqu'un, tu descends de yani, ton degré descend dans ses yeux d'après ce qu'il t'a donné. T'a donné non, une baisse d'estime, voilà c'est là, c'est ça. Il va te sous-estimer, même s'il ne t'a donné qu'un peu d'eau. Imagine il te donne yani, de l'argent, imagine il te donne sa maison, imagine. Il viendra le jour, il parlera aux gens, celui-là, il me casse la tête, celui-là, ceci, celui-là, ceci. C'est pour ça que le prophète nous a appris qu'on ne demande rien aux gens, sauf si on est, comme vous savez, on est dans l'obligation, on n'a pas à quoi manger, etc. Donc, من هنا تعلم, يعني هؤلاء الناس الذين اليوم, يعني جعلوا هذا الأمر حرفة, تذهب إلى المستشفى, تجده, يعني, ماسك في يده مثلا الأشعة ولا الأوردونونس هذه الوصفة تاع طبيب يقول الله ما عندي يعني بشتري الدواء والله راح ندير يعني ندير أشعة ما عندي فلوس وكذا وهو حرفة كذب في كذب يفعل هذا معك ومع كل الناس ثم يغي المستشفى حرفة نعم استميتي جزاك الله خير أخي فريد أنت موجود السلام عليكم ورحمة الله قلت فبعضهم حتى يفعلون هذا حتى يعني كعائلات ويقتسمون الأدوار الرجل يذهب إلى المستشفى هذا والزوجة تذهب إلى الثاني والأولاد هذا في مستشفى وهذا في مستشفى ثم يتقون في المساء أنت كم بزست من أموال الناس هذا يقول له 10 دينار هذا 20 هذا 100 وهذا كذا وهذا عذابهم يكون عظيما عند الله إن لم يتوبوا غدا donc certains ont fait de demander l'argent on fait de ça un métier c'est pour ça que certains vous trouvez toute une famille le père la mère et les enfants ils vont le matin ils se divisent voilà toi tu vas à l'hôpital X ma femme l'hôpital Y vous allez de ce côté là et le soir ils ont un rendez-vous ils se rencontrent bon on ouvre combien vous avez toi moi j'ai ramené ceci alors le gros 100 euros alors 30 euros 150 et comme ça il fait des caisses et des caisses et des caisses d'argent et il sait pas que Allah Azza wa Jal celui-là il va lui faire un châtiment comme il le fait pas aux autres pourquoi parce que et puis vous savez sûrement que celui qui fait ça jamais il ne gagne jamais il ne devient riche jamais pourquoi Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, ma fataha, ma fataha, yani had al-sa'il, baba mas'alatin illa wa fataha Allahu lahu baba sharrin. Subhanallah. Lahidu, ta'rifuna ahadan fa'ala hakada wa asbaha ghaniyan? Abadan. لأن الحديث يموت يموت وهو معه يعني مجموعة يعني كبيرة من الفلوس ولم يشبع مات ولم يشبع من الأكل. Donc vous avez, vous savez que ceux qui font ça premièrement ne deviennent jamais riches. Pourquoi? Parce qu'un prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, quiconque ouvrira une porte de soual, yani donnez-moi donnez-moi, Allah azza wa jalla lui ouvrira une autre porte de pauvreté. Toi tu dis donne-moi, là je lui ouvre une porte de pauvreté. C'est pour ça que ils ont beaucoup beaucoup d'argent. Ensuite, yani ils tombent. كيف نقولوا يجمعون يجمعون يجمعون بالفرنسية يجمع يعني أموال كثيرة يجمع أموال كثيرة ثم يعني يموت وهو لم يشبع أبدا لم يشبع أبدا. Il regroupe beaucoup beaucoup d'argent. Il amasse beaucoup d'argent. Ensuite tu vas voir toi. Yani, tu vas dans sa maison, tu trouves il ne mangeait même pas bien. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui veut le châtier ici avant qu'il le châtie là-bas. Et maintenant, bien sûr, vous devez savoir, ils ont bien sûr des idées, ils ont des hila, des ruses, beaucoup de ruses. Autrefois, quand il venait quelqu'un demander de l'argent, il venait par exemple avec des vêtements lambeaux, des vêtements troués, sales. Tu le vois, tu le dis, le pauvre, il n'a pas de vêtements, ça doit être vraiment un pauvre. Et tu lui donnes de l'argent. Maintenant, non, bien sûr, non, c'est pas comme ça. Maintenant, non. Bon, maintenant, une fois quelqu'un est venu, je descendais comme ça de la maison, j'ai trouvé devant la porte, avec un costume, et une cravate, et une bague en or. Je te dis, voilà, salam alaykoum, salam rahmatullah, la haya fi din, yani, salam, salam, pardon, yani, il n'y a pas de. Il n'y a pas de honte dans la religion. Ma femme vient d'accoucher, ça fait une demi-heure. J'ai même pas pour lui acheter les lambeaux, là, comment ça s'appelle, le bébé. J'ai même pas pour lui acheter, elle doit manger un peu de viande. Elle vient juste d'accoucher. Quand tu vois quelqu'un avec un costume, avec de l'or, etc., tu dis c'est impossible que ça soit un pauvre, là. Pardon, que ça soit un riche. Là, tu dis sûrement, là, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. C'est pas quelqu'un qui demande de l'argent, c'est quelqu'un qui a un problème, il n'a pas d'argent, ça arrive à tout le monde. Même lui il m'a dit ça arrive, yani, hatta, comme on dit en arabe, il m'a dit sahib taj wa muhtaj, yani le roi qui a sur sa tête je sais pas comment ça s'appelle en or, il vient le jour où il a besoin d'argent. Je lui ai dit oh là, c'est vrai. Ensuite moi je lui ai donné, je suis parti faire la prière à la mosquée. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé avec un autre groupe en train de leur dire la même chose. Là, j'ai compris que c'était une ruse et que c'est un spécialiste. Il va faire comme, voilà, la couronne. Il m'a dit, même celui qui a la couronne, en or, il a besoin d'argent. Je lui ai dit, oh là, c'est vrai, tout le monde a besoin d'argent. Ensuite, quand je lui ai donné, j'ai marché un peu, je suis allé à la mosquée, je suis revenu, je l'ai trouvé en train de faire cela. J'ai compris que c'était une hirfa. Yani que c'est un, yani, comment on dit, une hirfa, c'est écrit ici. C'est un métier, voilà, c'est un métier. Et il y a, bien sûr, il y a des plus professionnels que ceux-là. Pour ma yakoulou nabiyou, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith sahih, yakoul, l'ahda, ismahou li had le hadith, moujoud houna, ayna houa had le hadith. Naam, yakoulou nabiyou, sallallahu alayhi wa sallam. نعم نعم شيء هذا وداني حب عفونا عندي حديث يعني قلت هذا نتكلم فيها. نعم إذا أتيت الصلاة فأتيها بوقار وسكينة فصلي ما أدركت واقضي ما فاتك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, quand vous allez faire la prière, par exemple quelqu'un veut par exemple aller à la mosquée, il ne va pas en courant, il ne va pas tout en marchant comme ça à grands pas, mais toi ou alaykoum sakina ou waqar, mais quand on va à la mosquée on doit marcher comme ça, yani comme si, yani sans courir, sans faire de grands pas. Pourquoi? Parce que si on court bien, on fait de grands pas, quand on arrive à la mosquée, on va arriver, on a le temps, on a l'aide. Ensuite, on ne peut pas faire la salat. On dit Allahu Akbar et on commence à halter comme ça. On ne peut ni entendre ce que dit le imam. Encore c'est pire c'est, si c'est nous qui allons faire la prière. Donc on marche doucement, on marche normalement, comme on marche normalement. Sinon on devient très essoufflé quand on arrive à la mosquée. On devient très essoufflé et bien sûr quand on devient essoufflé, on peut pas faire la prière comme on peut. Pourquoi? Parce qu'il y a notre cœur qui commence à battre. Ensuite, on ne peut ni écouter à ce qu'il dit, le imam. Et si c'est nous qui faisons un guide dans la salat, alors ça c'est grave, on ne peut même pas lire. Moi ça m'arrivait des fois, pour des causes comme ça, j'arrive à la mosquée essoufflée. Allah, j'ai beaucoup de difficultés à lire le Fatiha. Beaucoup de difficultés. On sent notre cœur qui veut sortir. Ensuite, c'est très difficile de lire comme ça et les gens qui sont derrière. C'est pour ça qu'il dit, on marche normalement. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبْتِ الْمَسْجِدِ اذهب من غير أن تسرع لكن اذهب عليك السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما معنى الكلام؟ معناه إذا دخلت أنت في الصلاة ثم مثلا وجدت الإمام مثلا في صلاة العشاء وجدت الإمام مثلا قام من التشهد أنت تدخل معه في الركعة الثالثة تصلي معه الثالثة سرا لأنه في العشاء الركعة الثالثة يقرأ سرا تدخل معه سرا ثالثة ثم الرابعة سرا ثم هو يسلم وأنت تقوم قال فما فاتكم فأتموا تزيد ركعتين من غير صورة تقرأ فقط الفاتحة في الثالثة والرابعة وتقرأ أيضا سرا فتكون صليت العشاء كلها بأربع ركعات بالفاتحة فقط وسرا لماذا؟ لأنك أتممت الصلاة ولم تقضي وهذا هو الصحيح أن الإنسان دخل مع الإمام يجعل آخر ما صلى مع الإمام يجعله هو الأول ثم يتم على ذلك. إذا أنت لما أدركت الإمام في الثالثة تصلي معها ركعتين سرا لأنه يصلي سرا بك ثم يسلم ثم تجعل الركعتين الآخرتين هم الأوليين بالنسبة إليك فتكون كأنك صليت الأولى والثانية أنت في الثالثة والرابعة. ماذا تفعل في الثالثة والرابعة؟ تصليها سرا وبالفاتحة فقط وتسلم. Donc si on arrive à la mosquée, on trouve le imam par exemple. Je donne un exemple. Le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, ce que tu atteins avec le imam, tu le fais, tu le pries, et ce que tu termines seul, tu le termines, non pas qada'an, mais tu le termines. Yani, le dernier, tu le rends premier. Le dernier que tu as fait avec le imam, tu le rends, c'est ça, tes premières rak'at. Je donne un exemple. Tu arrives à la salat al-isha, tu trouves l'imam. Par exemple, il a fait le tashahud, il a fait deux rak'at, il a fait le tashahud, il se lève et il dit Allahu Akbar, il commence la troisième rak'a. Lui, il dit Allahu Akbar, c'est la troisième rak'a, il va lire le Fatiha, il va lire sirran, yani il ne va pas lire fort, il va lire sirran. Toi, tu dis Allahu Akbar, pour toi, c'est la première rak'a. Ensuite, lui, il va faire la quatrième, il va lire seulement Alhamdulillah et sirran. Pour toi, ça sera la deuxième raka. Tu vois, sirran, fatiha, sirran. Ensuite, lui, il dit salam alaikum. Donc, toi, tu as fait deux rakaat avec lui. Et tu te lèves, il te reste deux rakaat. Comment tu vas faire les deux rakaat? Tu vas les faire aussi sirran. Tu vas lire seulement la troisième, le fatiha, sirran, pas fort. Et la quatrième, tu vas lire seulement le fatiha et sirran. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que certains ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire quand l'imam va dire salam alaikum, il va se lever, il va dire qu'est-ce que je n'ai pas fait avec l'imam. Avec l'imam, je n'ai pas fait les deux premières rak'at de l'Aïcha. Donc, il va faire les deux rak'at fort. Il va lire fort et il va lire Alhamdulillah avec une surat. Et ça, ce n'est pas ça le vrai. Le vrai, c'est que ce que tu fais avec l'imam en dernier, tu le fais, tu fais de sorte que ça soit le premier ce que tu as fait avec le imam. Ensuite tu termines. Moi j'ai fait deux avec le imam, maintenant je veux terminer. Comment je termine ma Aïcha? Je la termine avec les deux dernières, ils vont être sirran. Voilà comment je vais faire. Et si vous n'avez pas compris, ensuite inshallah ta'ala, inshallah ta'ala, أجيبكم. Si vous n'avez pas bien compris, inshallah, dans les questions, je vais vous répondre parce qu'il reste seulement 5 minutes et je vais terminer. Ensuite, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith sahih: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليسمع كما يسمع الإمام. إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليسمع كما يسمع الإمام. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith sahih: si quelqu'un de vous rentre dans la salat avec le imam à la mosquée, même à la maison, tu rentres, trouves, par exemple, une femme trouve son mari en train de faire la prière, elle trouve par exemple la deuxième raka. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à Al-Sodam? Il a dit: ou l'imam à la hal, yani tu regardes l'imam dans quelle position est-il, et tu fais comme fait l'imam. Yani, لو دخلت انت في الصلاة ووجدت الإمام جالسا في التشهد يتشهد, انت لا تفعل كما يفعل بعض الناس, تقول دعني انتظره حتى يقوم, دعني انتظره حتى يقوم. لا, هذا ليس من سنة, انما تكبر وتجلس كما هو وتشرع في التشهد, لا تنتظر حتى يقوم وتبدا من تدخل معه. لا, الحديث ماذا قال؟ اذا وجدت الامام على حال فاصنع كما يصنع الامام, يعني تكبر وتجلس مثله وتبدا في التشهد. واذا وجدته راكعا لا تقول انا انتظره حتى يرفع من الركوع, تقول الله أكبر ثم الله أكبر وتركع, وهكذا تفعل مثل ما يفعل الإمام. هذه سنة يعني عرض عليها بالنواجذ, كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit quand on rentre en rond avec un imam, on regarde la position dans laquelle tu dis Allahu Akbar debout, ensuite Allahu incliné, tu prends certains gens, attends qu'ils se relèvent de l'inclinaison, je dis Allahu Akbar. Non, toujours tu fais comme fait l'imam. S'il est assis, tu t'assois, s'il est incliné, seulement n'oublie pas de faire deux takbirat, la première Allahu Akbar pour entrer dans la salat, et la deuxième pour t'incliner ou pour t'asseoir ou pour faire ce que fait الإمام exactement. قلت ولهذا لا تنسى أن تكبر مرتين, مرة من أجل تكبير الإحرام لتدخل في الصلاة, ومرة من أجل ماذا؟ مرة من أجل أن تركع أو تجلس أو يعني تسجد حتى تفعل كما يفعل الإمام. وآخر حديث نقوله اليوم إن شاء الله تعالى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حب أحد أخاه في الله فليخبره بذلك. يخبره لماذا؟ لأنه أبقى في الألفة. لما أنت تعلم أن أحدا يحبك, هذا يعني يزيد في الألفة بينك وبينه, وأثبت في المودة ويزيد في المحبة. كونك تعلم أن فلان يحبك أفضل مما لا تعلم, فلهذا تصبح تراعي حقوقه وتراعي هذه المحبة وتحرص على أن يعني تنمي هذه المحبة وكذا. donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans ce hadith: si quelqu'un aime une autre personne en Allah, en la cause d'Allah, pas à cause de l'argent qu'il a, et pas à cause qu'il a un poste dans le ministère, et pas parce qu'il est riche, et pas parce qu'il a une fille qui est jolie, je vais me marier avec elle, je vais la lui demander. Non, pas à cause de cela. Je l'aime pour Allah. Si j'aime quelqu'un pour Allah, le prophète alayhi sallam a dit, dis-le lui, apprends-le-lui, dis-lui, je t'aime en Allah. Il a dit, ça aide à faire durer l'union et l'alliance. Et ça rend l'amitié et ça rend cet amour beaucoup plus grand. C'est pour ça que si quelqu'un te dit je t'aime en Allah, tu lui dis que t'aimes celui en lequel tu m'as aimé, yani que Allah t'aime comme tu m'as aimé. والحب في الله كما ليخفى عليكم البغض في الله أيضا هو يعني من أعظم عورة الإسلام, و ليس يعني كما يظن البعض أن أنه هكذا يعني بسرعة يقول لك أحبك في الله أحبك في الله، يعني مجرد كلام أحبك في الله، تعرفه لأول مرة تجلس معه سلام كيف حالك أحبك في الله، وهو لا يعرفك ولا سمع بك، هذا مجاملة، وهذا كله يدخل في النفاق، وهذا كله كما أخفى عليكم لا يجوز. إنما المحبة في الله، إذا أحب أحدا فإنه يحب من قلبه ويطمع أن يجمعه الله تعالى به في يعني يوم القيامة، وأن يكون من سبعة الذين يظلهم الله كما في الحديث الصحيح. هذه المحبة في الله. Donc comme je venais de dire, aimer quelqu'un en Allah, c'est pas une parole qui se dit comme ça. Plusieurs gens, moi j'entends des gens comme ça. Il t'a jamais connu, il t'a jamais vu. La première il te voit, c'est à moi comme salam, je t'aime en Allah. Ça ne peut pas être possible. Pour m'aimer en Allah, il faut que tu me connaisses. Faut que tu m'as entendu, ou là j'ai des doros, tu les as entendus, ou là je ne sais pas quoi, tu as entendu parler de moi. Oh, il y en a directement comme ça, tu es même en là. Bon, c'est possible. Non, c'est pas avec tout le monde. Quiconque te trouve, je t'aime en là. Et mais en là, c'est pas quelque chose, il faut être sincère. Il faut être sincère quand on dit cela. Quand on aime quelqu'un en Allah, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas très facile. ولهذا في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل أظن أنه فيه أحب في الله، يعني لست متيقنا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. نعم، si on كان si on aime quelqu'un en Allah, on rentre dans les sept personnes que Allah عز وجل fera sortir du soleil le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, Azza wa Jal. Le jour là, le jour du jugement dernier, il n'y aura pas d'ombre. Allah Azza wa Jal fera sortir sept personnes du soleil pour les rentrer dans son ombre, Azza wa Jal, l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Les ulama comme Albani et les autres ont dit l'ombre d'Allah ici, c'est l'ombre du trône. Il y a un hadith sahih, un autre hadith qui montre cela, il dit dans l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, il fera sortir sept personnes. Parmi ces sept qui ? Deux personnes qui sont aimées en Allah. Se sont aimées. Comment j'aime quelqu'un en Allah ? Peut-être qu'il est le plus pauvre des gens du monde. Le plus misérable du monde. Mais je l'ai aimé en Allah. Parce que je le vois qu'il aime Allah beaucoup. Je vois qu'il a du ilm. Je vois qu'il fait beaucoup de nafila. Je vois qu'il est très sincère. Je vois qu'il va beaucoup à la mosquée. Je vois qu'il ne ment pas. Je l'aime en Allah. Maintenant si je l'aime parce que j'ai derrière la tête quelque chose, hein, je vais lui dire je t'aime Allah, comme ça dans une semaine je vais lui dire prête moi ta voiture, ça c'est bien sûr, ça c'est de l'hypocrisie. Il vaut mieux ne pas dire je t'aime Allah, parce que Allah te dira yom al qiyama pourquoi tu as menti, tu ne m'as pas aimé en Allah. Deux hommes se sont aimés pour Allah et se sont rassemblés pour cas et séparés pour cas. Naam, amour par Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث بعد هذا يقول وإذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله فليخبره أنه يحبه لله. سبحان الله عز وجل، قلت حتى تذهب إلى المنزل وتدق الباب ولما يخرج تخبره وتقول له إني أحبك في الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit si quelqu'un aime quelqu'un en Allah فليأتي في منزله. Qu'il aille à sa maison. Subhanallah. Qu'il aille à sa maison. Tu frappes à la porte, il sort. Voilà, j'ai quelque chose à te dire. Tfadal, je t'aime en Allah. Je t'aime en Allah. Subhanallah. Le prophète, tellement c'est important, il te dit tu vas à sa maison. Tu vas, tu cherches où il habite celui-là, si tu ne trouves pas dans la rue. Tu cherches où il habite, tu vas à la maison. Ensuite, quand il sort, tu lui dis voilà, je t'aime en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous aide afin qu'on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, un amour sincère. Sallallahu alayhi wa sallam, an yu'ina nahta natahabba fi Allah, fa nishtami'a alayh wa nafti'a alayh. Wa kull mashakil mawjouda al-yom, kull mashakil mawjouda al-yom, li'anna al-mahabba fi Allah liste mawjouda. Tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, par exemple, entre les frères et entre les sœurs, wallah, trois fois, c'est parce que il n'y a pas l'amour en Allah azza wa jalla. Dès qu'un frère ou une sœur, elle fait, la pauvre et le pauvre, il fait une petite faute. Ça y est, c'est la guerre. Une petite faute. Quand il y a le grand mécréant là, il fait toutes les fautes du monde, on ne lui dit rien, on le respecte. Comment vas-tu monsieur, comment allez-vous? Et quand mon frère et ma soeur fait une petite faute, on va faire la guerre. on va plus lui parler, on va crier dans l'internet, on va écrire dans les journaux, celui-là a fait ceci, ceci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour en Allah. Si tu m'aimais en Allah, quand je fais des fautes, tu viens me dire, voilà, je te donne un conseil, tu t'es trompé. Allah, quand tu te trompes, j'aime pas, parce que c'est quand quelqu'un te touche, c'est comme s'il m'a touché. Parce que quand on te fait du mal, c'est comme si on m'a fait à moi. On sent, voilà l'amour en Allah. Mais quand il n'y a pas l'amour en Allah, on a du plaisir à ce qu'un de nos frères ou une de nos sœurs fasse une faute. On a du plaisir. On a le hasid. Comment on dit le hasid en français? Comment on dit le hasid? Notre cœur est plein de hasid. On aime que quelqu'un se trompe. On aime que quelqu'un fasse une faute. On aime que quelqu'un la jalousie. On a notre cœur qui brûle de jalousie. Il brûle de jalousie. On voudrait que notre frère et notre sœur se trompe. On voudrait qu'elle soit un sujet à caution. On voudrait que tout le monde parle d'elle en internet et dans les journaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Si on avait vraiment l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, on ne mangerait pas, on donnerait à notre frère à manger. On ne s'habillerait pas, on donnerait à notre frère à s'habiller. On voudrait tout ce qu'on aime, on voudrait que notre frère, c'est lui qu'il ait cela, pas nous. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère qu'il aime pour lui. Là, si vraiment tu aimes pour ta soeur et ton frère, ce que tu aimes pour toi, ça c'est que vraiment tu es croyant. Mais si tu veux seulement tout pour toi et laisse les autres dans la misère, laisse les dans les machins, dans les problèmes, c'est que ta foi est très mince, elle est vraiment très petite dans ton cœur. Allah Azza wa Jal an yu'inana wa an yuqawiya imanana wa an yuqawiya al-mahabbata fina wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu. Non, avant de terminer, je dis surtout par exemple, surtout ce qui se passe maintenant avec les salafis, entre les salafis. Tous les gens rient de nous, tous les gens, du Mashriq au Maghreb, tous les gens rient de nous. Un petit problème dans la mosquée, et voilà, c'est toute la ville qui sait ce qui s'est passé, et c'est tous les gens et tous les voisins qui parlent. Et plus une petite chose, comme par exemple j'entends quand ça dit السلام عليكم يا شيخ، شيخ أبو عبد الله ابن تيمية. ما كش صوت، ما فيه صوت، انقطع صوت. شوف إذا كنت تسمعني يا ابن تيمية اكتب واحدا، اكتب واحدا، نحن لا نسمعك. ممكن أنت تتكلم تظن إحنا نسمعك، نحن لا نسمعك. ممكن تنطنطا يا بادو سون ابن تيمية. شوف صلح، شوف إذا كان مشكلة في الشبكة ولا في المايك ولا شيء. بسم الله. Salam alaikum. C'est Abou Abdelrahman. Si tu peux dire au frère Farid que j'ai envoyé un message et le chien ne répond pas. Kabarak. Ouais, moi, j'ai pas pu l'avoir. Abou Mohamed, si tu es là, prends le micro, Inch'Allah. Qui c'est qui a mis le point rouge, Abou Mohamed? Prends le micro, Abou Mohamed. Abou Mohamed, tu es là? Je sais pas, moi, je vois des points rouges. Bismillah, si tu peux prendre le micro, prends-le. Essaye d'avertir Chir pour faire passer les questions. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا بلال. فريد المكي جزاك الله خيرا. فريد المكي هل تسمعوني؟ سيمونتون يكري اون دوزيام فوا ان ان سيمونتون يكري اون دوزيام فوا لو نومبر ان. نعم جزاك الله خيرا. اولا صافي يعني قبل ايام قبل يوم يومين ارسلت لك برسالة على الهوتميل، لا ادري هل وصلتك ام لا فيما يخص احدى الاخوات وفيما يخص مشكلتها. نعم جزاك الله خيرا. ثانيا ان شاء الله اعطيك المايك تجيبوني. ثانيا اذا انقطع بي الخط، اذا انقطع بي الانترنت هذا، فانت ان شاء الله تاخذ مكاني ويعني تدرس او تشرح لهم شيئا او يعني المهم تفيدهم ولا تترك القاعه هكذا ان شاء الله تعالى في فوضى. وخلي دائما الاحمر لانه في بعض الاخوان الشياطين يدخلون ويفسدون علينا الاخر كما قلت. Donc, avant de terminer, salam alaykoum rahmatullah, je voulais dire, ou bien j'étais en train de dire, شوف مثلا قلت عفوا ماذا كنت اقول، قلت نعم فيما يخص الاخطاء قلت تجد الاحد لا يسمح لاخيه ولا يعني لا يتجاوز عن خطئه ويحقد عليه. قلت لي أدنى شيء لشيء يعني يجوز يسوغ فيه الخلاف ولشيء واسع ولشيء، فهذا يحجر ويريد فقط أن تمشي على قوله ثم يضخم المسألة يضخمها. ترى تحدث مشكلة في بلدة صغيرة في يعني في حي عوضا أن يتم القضاء على المشكلة هنا في هذا الحي نوسع الدائرة حتى يعني البلدة تسمع، ثم حتى يعني ممكن البلد هذا يسمع، ومن بعد حتى تولي في مستوى افريقيا، ومن بعد تولي مستوى العالم، ومن بعد تولي في انترنت. لماذا يا اخواني لماذا؟ ونحن زعما نقول نحن سلفيون والناس تضحك علينا وتشير الينا بالبنان، يقولوا هم سلفيون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا مثلا الاخوان المسلمين ولا عندهم اخطاء كثيره، سمعت في يوم من الايام يعني فعلوا مثل ما نفعل نحن مع اخواننا، ابدا يسطرون يعني ويستطرون ما استطاعوا مع انهم على باطل. وانت يا اخي على حق، فلا تشوه الدعوه بارك الله فيك، فلا تشوه هذا، واجعل يعني شيء من الايمان في قلبك ومن محبه لاخوانك. فهمت؟ انا لا اقول الانسان يعني يسكت عن البدع او لا يسكن عن ابدا، انما دائما في حكمه، فيه طريقه، فيه نصيحه، فيه ثم قال الله عز وجل وقل لهم في انفسهم قولا بالغا، يتكلم عن المنافقين، وقل لهم في انفسهم قولا بالغا، مو امام الناس مو امام الملا، في انفسهم. انت تلاحظ باللي شوف حتى الحاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبا عبد الله حفظك الله، الصوت انقطع، الصوت انقطع، ما نسمع شيئا، لا نسمع شيئا، ولا أنا ولا الإخوة الذين مرفوع عنهم النقاط أو النقطة الحمراء. Personne n'entend pas. Vous entendez Bilal Salafi, moi vous m'entendez là? Bilal Salafi, satisfait. Abu Mohammed. Vous n'entendez pas, Cheikh, hein? C'est ça. Hein? Et Cheikh, il a contacté ce matin, il a eu le courage de le refaire sur Marja. Ou je trouve le Mouskila. Hatta, Marad Alik Asila, yani, عندنا إخوة عندهم أسئلة والموضوع مهم جدا. Les frères et les sœurs qui ont des questions, préparez-les. DGA, préparez-les. Inch'Allah que le problème de connexion de Cheikh va s'arranger. Préparez vos questions, écrivez-les, mettez-les de côté. Pour les frères et pour les frères qui veulent prendre le micro, préparez-vous. Et vous avez entendu les hadiths qui vous a expliqué. Le sujet est très important pour l'amour pour Allah et Ta'ala et ce qu'il a parlé avant sur le livre de Jami' al-Sahih al-Jama' de Cheikh al-Bani rahimahullah. Donc préparez vos questions et profitez de l'occasion pour recevoir et écouter les réponses de Cheikh Abu Abdullah Hafizahullah Ibn Taymiyyah avec le pseudo Ibn Taymiyyah. Barakallahu fikum. Préparez vos questions. Cheikh, il a kunt tasma'ani. Je ne sais pas, Abu Talib il est revenu ou pas? Est-ce que Abu Talib est revenu? Ah, il est au téléphone. Alors, si vous pouvez appeler Cheikh, appelez-le, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, préparez vos questions, Inch'Allah. Abu Talib, Abu Talib, si tu as fini au téléphone, essaye de t'intéresser au problème là. C'est important parce que si on laisse trop attendre les frères et les sœurs, ils vont partir ou le haja et c'est peut-être important que tu t'occupes d'eux. Abu Talib, si tu m'entends, prends le micro. Voilà, prends le micro, appelle Cheikh. Regarde le problème avec Cheikh. Eh bien Cheikh, on n'entend plus. On n'entend plus Cheikh. On n'entend plus Cheikh, il s'est occupé du problème, appelle Cheikh, voit avec lui, même s'il faut, parce qu'il a fait son cours, il a presque fini, je pense qu'il a fini. Il était en train de donner un conseil pour les frères dans l'amour pour Allah et Ta'ala, et Naam, et essaye pour qu'on puisse lui passer les questions importantes. On ne peut pas faire comme l'autre fois, laisser comme ça le salon, après tout le monde part, hein. Inch'Allah. Barakallahu fik. Je lâche le micro, essaye de voir ce que tu fais. Après tu me diras, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum, Akh Farid. Si tu peux, Inch'Allah, bifadlillah, comme il a dit Cheikh, yani, quand il y a des coupures comme ça, si tu peux nous donner quelques petits cours, quelques petites sawaïd, quelques petits conseils, Inch'Allah, quoi qu'il arrive, bismillah, si tu peux, barakallahu fik. Salam alaikum, Allah wa kat. Wafik abarak, jazakallah khairan. Abu Talib, toi tu essaies de contacter Cheikh. Moi je suis très intéressé, je veux que ce soit Cheikh qui revienne, qui répond aux questions pour finir le grand bien qu'il a commencé. Barakallahu fik, tu t'occupes de ça, Inch'Allah Cheikh va revenir, il est sorti je pense, et je pense qu'il va revenir. Ce que je peux dire maintenant, c'est une certaine traduction que Cheikh a parlé, des hadiths qu'il a cités, les derniers hadiths qu'il a cités, parmi les hadiths qu'il a cités, qui concerne l'amour pour Allah entre les frères et entre les sœurs dans l'islam, et surtout entre les salafis. Et il a expliqué que aimer pour Allah et détester pour Allah, ça faisait partie de la lance la plus solide qui peut se briser. Hein, l'urwa, hein, comme a été cité dans un hadith, Awthaqu urwa al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Hein, c'est-à-dire la lance la plus solide qui peut se briser et qui est la plus solide, hein, dans la foi du musulman, c'est l'amour pour Allah et Ta'ala et détester pour Allah, c'est-à-dire déjà aimer tout ce qu'Allah Ta'ala aime et détester tout ce qu'Allah Ta'ala déteste, et aimer ceux qui sont dans le sentier d'Allah Ta'ala pour Allah et détester ceux qui sont en dehors du sentier d'Allah parmi les mécréants et les hypocrites, hein, et même ceux qui sont en dehors du sentier d'Allah, la sunna, parmi les mubtadi'a, pour Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas pour notre personne, non pas pour notre intérêt. Et Cheikh était en train d'expliquer une chose très importante, en train de dire que ça c'est parce que ce n'est pas connu et c'est pas yani stabilisé, ou c'est pas connu chez beaucoup ou la plupart des salafis. C'est dommage, il a dit, parce que ceci, si on l'avait tous, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a entre les frères salafis, les sœurs salafiyates, hein, l'amour pour Allah et Ta'ala. La plupart des gens, si j'aime pas une personne, c'est pas pour Allah, parce que si c'était pour Allah, ou qu'il la déteste, pas pour Allah. Parce que si jamais on trouve des frères des fois, et on trouve des sœurs, et expliquer, qui détestent une personne, et tu vois que cette personne là des fois il est conforme à l'islam et à la sunna et tout, alors tu te demandes pourquoi il le déteste, et lorsque tu cherches bien, tu trouves que c'est pas pour Allah, c'est pas pour le sentier d'Allah, c'est pas pour le din d'Allah. Et c'est pareil pour l'amour qu'il a pour son frère ou pour sa sœur, tu trouves des fois, lorsque tu cherches bien et tu fouilles bien, tu vois que il ne m'aime pas pour Allah, parce que tu vois en face de lui des personnes, par exemple, qui fait des bid'ah ou qui fait des péchés ou qui n'est pas conforme à l'islam ou la sunna, tu le vois qu'il aime et dit qu'il aime, et en vérité c'est pas pour Allah, il aime pour autre chose, pour un intérêt dunya, pour autre chose, mais pas pour Allah. Et Cheikh était en train d'expliquer une chose très importante, il dit beaucoup de gens et de frères, tu vois, ils connaissent la personne la première fois ou se rencontrent et avec lui la première fois, et lui dit tout de suite Wallah, je t'aime pour Allah. Il dit ça, Cheikh, c'est l'hypocrisie. Il est rentré sur l'internet, hein. Il est dans le salon, Cheikh. Dès qu'il est dans le salon, tu me fais signe, hein, je passe. Alors Cheikh disait que ça c'est pas Inch'Allah. Il disait, Cheikh, ça c'est pas vrai, c'est pas digne de sincérité, c'est pas une parole sérieuse, c'est pas quelqu'un qui est véridique. Parce qu'en vérité, comment tu peux aimer quelqu'un la première fois que tu le vois pour Allah, alors que tu le connais même pas, tu connais même pas ses œuvres, tu connais même pas sa conformité et sa, est-ce qu'il est conforme à la sunna, tu connais rien. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup ça dans les gens de la bid'a, ou les gens qui sont un peu hypocrites pour tromper et ruser avec certains frères ou certains. Il te dit moi je t'aime pour Allah, tout ça pour essayer de ruser avec lui. Vous trouvez beaucoup ça dans Jama'at Tablir, vous devez connaître Jama'at Tablir. Chaque fois ils te disent ah wallah hibbuk fillah, hibbuk fillah. Alors en vérité ils t'aiment pas, parce que t'es pas pour Tablir, t'es pas pour la Jama'a et t'es pas pour la bid'a. Alors ils font ça, ils le font beaucoup. Et le Cheikh était en train d'expliquer que l'amour pour Allah et Ta'ala, c'était la plus grande lance solide qui peut se briser, hein, l'urwa. Hein, il dit comment tu peux dire comme ça alors que ça savoir à la fois, et tu es pas vraiment véridique en ce que tu dis. Donc aimer pour Allah et Ta'ala, c'est très important, ça fait partie de la loi, ça fait partie de la foi, ça fait l'Allah al-Azim, ça fait partie de la foi. Donc à cause de ça, il faut être sérieux et véridique quand tu prétends aimer quelqu'un pour Allah et Ta'ala. Il faut être sérieux, et il faut savoir aussi pourquoi tu l'aimes, et il faut vraiment l'aimer pour Allah et Ta'ala. Et Cheikh disait que Allah Alam, il a dit, si j'ai bien suivi, qu'il y avait des signes, même s'il n'a pas dit, il faut savoir qu'il y avait des signes qui prouvaient que cet amour était sincèrement pour Allah et Ta'ala, ou cette haine que tu avais pour telle personne était sincèrement pour Allah et Ta'ala. Donc il était en train d'expliquer ceci. Ensuite il a expliqué aussi certains hadiths qui montraient l'importance et la grande place d'aimer pour Allah et Ta'ala, et comment étaient les salafs, et qu'est-ce qu'a dit le messager alayhi sallam lorsque une personne aime pour Allah son frère. Il a dit qu'il aime le voir chez lui et qu'il aime lui apprendre et lui informer qu'il aime pour Allah et tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Tout ça pour rajouter l'amour de l'autre frère pour lui, et pour qu'il sache qu'il aime pour Allah, et pour que cet amour pour Allah et ta'ala soit renforcé à l'un et l'autre, et que l'un informe l'autre, pour que à cause de ça il s'aide et s'entraide, hein, dans le sentier qui est pour l'amour d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Ensuite Cheikh était en train d'expliquer à la fin que tout ceci il est on le trouve pas dans beaucoup de frères salafis, et c'est pourtant pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes entre les salafis, entre les salafiettes. C'est une chose que les frères et sœurs ne travaillent pas et n'essayent pas de obtenir et d'enraciner dans leur intérieur, et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes et tous ces fitnas et tout ça. Et ça c'est vrai, c'est réel, parce qu'à la plupart des frères, des fois tu les vois critiquer leurs frères ou des sœurs critiquer leurs sœurs. Mais quand tu cherches, tu vois qu'ils ne critiquent pas pour Allah, et ce n'est pas la haine qu'ils ont envers cette personne pour Allah et à cause du sentier d'Allah qui les a poussés et entraînés à faire ça. Des fois c'est pour des intérêts, des fois c'est pour des après des commérages, des fois c'est pour beaucoup de choses, mais qui ne sont pas pour Allah et Ta'ala. Et ceci, ça prouve que les gens n'ont pas encore compris ce que c'est aimer pour Allah et détester pour Allah et Tabaraka wa Ta'ala, alors que c'est, ça fait partie de la foi, et ça, la lance la plus solide qui fait partie de la foi qui ne peut se briser, hein, comme a été cité dans certains hadiths sahih, dans certains hadiths authentiques. Et si vous voyez dans le livre de Sheikh Al-Fawzan Hafizahullah qui s'appelle Al-Wala Wal-Bara Fil Islam, l'alliance et le désavou, et le l'alliance et le désavou, ou l'alliance ou le la désalliance, si vous voulez, le désavou dans l'islam, ce qu'on appelle aimer et détester pour Allah et Ta'ala, il explique très bien, Cheikh Al-Fawzan, toutes les apparences qui prouvent désaveu, voilà. Là, c'est le désaveu, barakallahu fik. Allah ibarak fik à Abba Mohammed, et Allah ibarak celui qui m'a donné en privé, en PV aussi. L'alliance et le désaveu qu'il y a dans le livre de Cheikh Al-Fawzan, moi je vous conseille de l'étudier et de l'apprendre, et beaucoup de prendre entre vous et l'étudier aussi entre familles. Vous allez voir comme il vous parle des apparences, il donne l'apparence extérieure de l'alliance et le désaveu dans l'islam, l'apparence. Il parle des kofars avec les musulmans, avec le kofar, il parle de tout, il emploie tout. Après il parle de ce hadith que j'ai cité, il parle de beaucoup de choses, de beaucoup beaucoup de choses. Et ce livre, moi je l'ai expliqué, je l'ai traduit dans le salon de Al-Yamin il y a à peu près une année ou plus. Il y a les cassettes, ils sont, je pense, Allah Alam, les cassettes sont dans le site de Al-Yamin. Je ne me rappelle pas du site de Al-Yamin, peut-être Abu Talib ou la Bilal Salafi ou Abu Mohamed, je ne sais pas s'ils connaissent le lien, mais moi j'ai traduit tout le livre et je l'ai expliqué tout le livre avec des autres paroles des ulama. Ils sont dans à peu près 7 ou 8 ou plus de cassettes pour celui qui n'a pas l'arabe et qui ne peut pas se permettre de le lire en arabe, qu'il a qu'à écouter ma traduction. J'ai fait ce que j'ai pu. Wa barakallahu fikum. Abu Talib, Sheikh est rentré ou pas encore? Il y a Batali. Cheikh est rentré ou pas encore? Tu es avec nous, Abu Talib? Pas encore, hein? Pas encore, hein? Bon, je continue alors. Alors, donc, ça c'est très important qu'ils viennent de vous parler, et alhamdulillah. Vous savez que ça c'est une rencontre comme celle-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut savoir une chose. Ouais, parce qu'il est, il est connecté. Là, je le vois. Moi, je l'ai dans ma liste, là. Il est connecté, mais il n'est pas entré dans le salon. C'est ça, hein. Sinon, il est connecté. Je le vois dans le salon, machallah. Non, il est là, bien sûr. Là. Ah, oui, il est là. Fadl, ya Cheikh. Ana hawlt tarjemt kalamak al-ahadith al-akhira li dhakartaha. Hawlt tarjemt kalamak al-ahadith wa sharhaha. وكلامك الأخير النصيحة الأخيرة حاولت هذا وانتهيت هنا. بارك الله فيك. تفضل بسم الله حتى تكمل هذه النصيحة وتبدأ في الأسئلة مع الإخوان والأخوات لأن لهم أسئلة. بسم الله. خذ اللاقط يا شيخ يا ابن تيمية اللاقط خذ اللاقط Salam alaikum. Cheikh, il est là ou pas? Est-ce qu'il a un autre problème? Ya Cheikh Abu Abdullah. Ya Cheikh Mohamed Ibn Taymiyya. أنت معنا؟ تسمعني؟ ارفع يديك. Vous m'entendez les frères؟ تفضل خذ اللاقط يا ابن تيمية، خذ اللاقط. أكمل كلامك النصيحة وأكمل بعدين نفتح الأسئلة. بارك الله فيك يا إخوة، افتح الأسئلة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت، في صوت. أعتذر عن هذا المشكلة الخارجة عن ماذا عن نطاقي. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'excuse pour ce problème qui me dépasse. Pour ce problème qui me dépasse. Est-ce qu'il y a du son? في صوت إخوة. في صوت. نعم. قلت je disais que si on avait vraiment l'amour de nos frères et nos sœurs en Allah dans nos cœurs, on n'aurait pas agrandi comme ça les problèmes, mais on aurait essayé toujours de trouver une solution comme ça entre frères et sœurs sans essayer d'agrandir et d'aggraver le problème. Et des fois c'est un petit problème dans un petit quartier. Au lieu de le résoudre au niveau des gens du quartier, 2, 3, 4, on se regroupe dans une maison, on cherche le problème d'après le Coran et la Sunna. Nous on va l'agrandir jusqu'à ce que tout le village le sache, ensuite toute la ville, ensuite le pays, ensuite le continent. Ensuite c'est l'internet, c'est classe, c'est tout le monde qui le sait. Dit, la plupart du temps quand on fait ça yani, par jalousie, par haine, non pas par foi. Et par iman, comme croient certains gens. Par exemple, des fois, on m'a appris que, par exemple, dans une petite mosquée, c'est ce que je voulais dire, un petit immeuble, on faisait la prière à l'intérieur. Certains disent, bon, l'endroit où on fait la prière, c'est une mosquée. Donc, si on rentre, on fait les deux rak'at de la mosquée. Les autres disent, non, c'est pas une mosquée, on fait pas les deux rak'at. Bon, moi, j'ai une question. Est-ce qu'à cause de cela, on va faire une bagarre? À cause de cela, on va se détester? À cause de cela, on va s'insulter. À cause de cela, on va plus se parler. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous a dit. C'est le diable qui nous a dit ça. Il n'y a pas de troisième. Le diable qui nous a dit ça. Il veut séparer entre les murs. Il veut faire rire les gens d'eux. Il veut faire rire les gens d'eux. Moi, si j'ai des délits que c'est une mosquée et je fais les deux rak'at, je les fais. Je ne dis à personne, tu dois les faire, personne, au grand jamais. Sauf si quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu penses? Tu me dis, Allah, fais-le, voilà, j'ai un hadith. Si je suis convaincu de ne pas les faire, je ne les fais pas. Et je dis à personne, pourquoi? Soit tu les fais pas. Il faut que tu les fasses, non? J'ai lu ça, j'ai été convaincu, je fais pas, je suis pas dans une mosquée. Si quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, ne les fais pas, c'est tout. Mais je vais pas dire à ceux qui le font, pourquoi tu ne fais pas? Ou bien si je fais, je vais dire aux autres pourquoi. Ou si je ne fais pas, je vais dire aux autres pourquoi vous faites. Pourquoi? Je ne suis pas obligé. C'est des choses, c'est un effet omkhilaf. Ensuite, si moi je fais la prière, et toi tu ne fais pas. Si moi je fais, toi tu vas aller à l'enfer à ma place. Et moi je fais la prière. Et si c'est le contraire, je ne suis pas convaincu, je ne fais pas. Je vais aller, c'est toi qui vas aller en enfer. Fais-les toi. Tu es convaincu, fais la prière. Moi je ne fais pas, je ne suis pas convaincu. Moi je ne suis pas la passion, je suis les hadiths. D'après moi, je ne suis pas convaincu, il n'y a pas la prière. Ça, s'il y a quelque chose, c'est moi le responsable, c'est moi qui va aller en enfer, qui va aller, c'est pas toi. Et je ne sais pas pourquoi les gens, quand ils n'ont pas le fiqh de la dawa, ils font des choses pour des choses très simples, ils la rendent énorme, ils vont ne plus parler, et ils croient que Allah se réjouit de cela. Oh, ils disent, moi je parle pas avec celui-là parce qu'il fait pas les deux rak'at de la mosquée. Oh, c'est un ennemi celui-là, c'est un ennemi d'Allah. Khlas, Allah est content de moi, il est réjoui. Il va dire, voilà, il ne parle pas avec l'ennemi d'Allah. Il a oublié les vrais ennemis d'Allah qui ne font ni la prière ni qui insultent Allah Azza wa Jal comme ça. Ceux-là, il leur dit bonjour, il les respecte, c'est pas ce qu'il leur fait. Et celui-là, ton frère, parce que vous vous êtes pas compris à cause d'un hadith, vous allez ne plus parler, il y a le diable qui rit et qui je ne sais pas quoi. Bref, si jamais ça se coupe, je voulais vous dire que samedi, inchallah, vous avez un dars avec Al-Farid Al-Makki, comme chaque samedi. Et moi, inchallah, mon prochain dars, inchallah, c'est dimanche à la même heure avec le dars de fiqh, parce que ça fait trois jours qu'on n'a pas fait le fiqh avec votre frère Abu Abdullah Mohamed Chalabi. Voilà, yani mon nom et mon prénom, Mohamed Chalabi. Abu Abdullah, je m'appelle surnom comme ça, Abu Abdullah. On va se rencontrer, inchallah, dimanche. Maintenant, je vous donne pour que vous posiez vos questions. Et si, inchallah, je peux vous répondre, je réponds. Si ça se coupe, Farid Al-Makk, inchallah, répond à ma place le temps que je rentre, inchallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اتفضلوا بارك الله فيكم تفضل اخونا حكيم كبران جزاك الله خير على الحذف هذاك حكيم كبران اتفضل السؤال مكتوب نعم Salam alaikum, peut-on consommer du vinaigre d'alcool? Si c'est non, quel est le vinaigre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est un excellent accompagnement du pain? Accompagnement du pain. N'am, n'am, l'idam, l'khubz ou l'khal. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Wallahi, bon, tu as écrit en français, je te réponds en français. En ce qui concerne le vinaigre d'alcool, Wallahi ta'ala, je n'ai jamais lu, je ne sais pas quelque chose de ce qu'on dit le ulama sur ce vinaigre. Je ne sais qu'une chose, si tu veux l'éviter, tu peux l'éviter, tu achètes par exemple le vinaigre du citron. Il y a par exemple le vinaigre du citron pour éviter, mais malgré cela, je ne crois pas que, si tu parles du vinaigre le rouge, qui est un peu rouge, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui l'interdise. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui l'interdise. Les ulama ont parlé de cela, mais cela fait très longtemps que je n'ai pas revu ce qu'ils ont dit. Ça fait très longtemps, 20 ans ou là, qu'on avait posé cette question. J'ai oublié ce qu'ils ont dit en ce temps-là. Mais si tu veux sortir des problèmes, tu achètes le vinaigre blanc, le vinaigre citron, jusqu'à, Inch'Allah ta'ala, à ce que je te donne la vraie réponse. Et peut-être, Akhouna Farid a sûrement entendu les ulama parler là-bas, peut-être. Fadal Akhouna Abu Mohamed ou Abu Hakim, si tu as encore quelque chose à dire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت إن شاء الله في صوت بارك الله فيك عندي سؤالين يعني شيئا فشيئا إن شاء الله بإذن الله السؤال الأول يقول أخ سائل يسأل يقول وقع الفتنة بينه وبين الإخوة لماذا؟ لأن بنسبة الفتنة التي وقعت بين الشيخ رابع العلام وشيخ فالح قال هذا الأخ إنني معتدل ولا أقول شيء فالإخوة قالوا أنك يعني تؤيد يعني المبتدع فهجروه هل عليهم الحق هل هذه هل هذا الهجر بدعة بارك الله فيك ان شاء الله باللغة الفرنسية يا frère qui demande par rapport à la fitna qui a eu entre Cheikh Rabia et Cheikh Falah il a dit qu'il était neutre et les frères salafi ils ont fait hajar ils ont fait le hajar et ils ne parlent plus est-ce qu'ils ont raison est-ce qu'ils ont tort est-ce que c'est une bid'a بارك الله فيك إن شاء الله السؤال الثاني سائل يسأل هل يجوز أن ندعو للكفار مثلا نقول لهم الله يهديكم لأنني لقد قرأت فتاوى الشيخ بن باز وهو منع ذلك هل هذا صحيح أو كذب هل يجوز أن ندعو للكفار ونقول له الله يهديكم ان شاء الله سأعد السؤال الاول ان شاء الله ان شاء خلاص هذا السؤال الأول. شيخ في صوت؟ في صوت يا شيخ؟ اكتب الرقم واحد إن شاء الله إذا يوجد صوت. شيخ أنت معنا؟ إن شاء الله سأترك الميكرو، ممكن تستطيع أن تتكلم. السلام عليكم ورحمة الله. باردون أخي أبو محمد، يا باتسون ها نمشتي خي سيدر لك قلت لك باردون ريبت لو سون سكو بوكو ها je ne sais pas ce que tu as dit. J'ai compris un peu sur Cheikh Rabia, mais ce que tu as dit ensuite, je n'ai pas compris. Ensuite, tu as dit une autre question, je n'ai rien entendu. Pardon. je ne sais pas si tu as le temps, tu peux peut-être l'écrire, ou là tu recommences, tu prends le micro une deuxième fois, tu parles. Peut-être le son ne m'arrive pas à moi seulement, je ne sais pas, peut-être. Répète, Jazakallahu khairan. Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. يا شيخ أنا، هل يوجد صوت؟ هل يوجد صوت عندك؟ هل تسمعني؟ اكتب الرقم واحد، الرقم الواحد إن شاء الله. الخير أسكوم أتندي؟ أسكيل الصوت، أسكيل الخير. كي زن بالو بون روج مانتند. سو بيبي ماركي النيميرو 1. نعم. شيخ هل يوجد صوت؟ هل تسمع أم لا يا شيخ؟ هل تفضل أن أكتب لك الأسئلة؟ هل تفضل أن أكتب لك الأسئلة؟ سأترك المايك إن شاء الله. ماشي هنا سيد المكي، لحظة. فريد المكي اسكي لي لا لحظة. فريد المكي لي لا. طيب اخي فريد المكي parle moi بارك الله فيك de la question que je t'avais envoyé à cause de la soeur. Est-ce que tu as une réponse? جزاك الله خير. خذ اللقيط واخبرني بارك الله فيك. تفضل خذ اللقيط جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت يا اخوان؟ فيها صوت. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ابن تيميه تسمعني؟ اكتب واحدا يا ابن تيميه، انت اهم واحد لازم تسمع. ابن تيميه تسمعني؟ اكتب واحد يا شيخ ابو عبد الله، تسمعني يا ابن تيمية؟ اكتب واحدا حتى اجيبك ان شاء الله. متنتظر لي فاه؟ ايوه. طيب ابن تيمية يلك في باج وباك يلك في يا شيخ ابو عبد الله، إذا كنت تسمعني اكتب واحدا حتى شف سبعة. تفضل. أنا لا أسمع واحدا، يعني في صوت عندكم؟ أنا لا أسمع شيئا والله. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? Moi, je vois pas le micro. Je vois pas le micro là. Je vois le micro chez moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? Barakallahu fikum. Salam alaykoum, Cheikh. Ant tasma'na? Akhi Farid al-Makki, je pense que le Cheikh il reçoit pas les. Je crois qu'il reçoit pas Allahu a'lam. Je pense pas qu'il reçoit les. Quand on parle. Je pense qu'on devrait lui écrire Allahu a'lam. Cheikh, le Cheikh, hal yujid sawt? ما فيش صوت أنا موجود معكم بارك الله فيكم ما فيش صوت إخواني يا باتسون moi je suis là يعني j'ai pas quitté j'ai donné la parole à Farid المكي n'a pas parlé عطيت الصوت الكلمة الفارد المكي ما تكلمش عطيت العبد الله عبد الله سبعة ما تكلمش si il a parlé donc si j'ai parlé donc المشكلة عندي donc المشكلة ممكن هي موجودة عندي نعم نعم انا الصوت ممكن ماهوش عندي الاخ واسمك الاخ كيف اسمه الاخ فريد تكلم وانا ان شاء الله لا تكلم وانا ان شاء الله احاول اخر محاوله اخرج وارجع تكلم الاخ فريد وانا اخرج وارجع ان شاء الله تعالى طيب بارك الله فيك يا اخوان في صوت Fais le saut, ya Ikhwan. Vous avez du son. Taïb, Abu Mohamed, Abu Talib, il est là ou pas? Abu Talib. Abu Talib, si tu es là, Oktub Wahiden. Marque 1, Abu Talib. Est-ce que tu es là? Ya Abu Talib. Aujourd'hui, on n'a pas entendu Abu Talib presque. Abu Talib, tu es là? Non, hein? Je crois pas qu'il est là. Oui, c'est pas un problème, Inch'Allah. Dès qu'il est bien, dès qu'il est là, vous me faites, faites signe, il faut qu'il nous parle. Inch'Allah, préparez vos questions, on va voir la réponse du Cheikh. La question de tout à l'heure sur le vinaigre, le frère, est-ce qu'il parlait du vinaigre? J'ai pas bien entendu parce qu'il y a un bête, il y a une traduction. Qui a été fait des paroles du Cheikh Al-Albani rahimahullah sur plusieurs sortes de vinaigre. Lequel vinaigre est interdit et le vinaigre qui est permis. Je ne sais pas si vous l'avez ça. C'est lui qui a posé la question, je ne sais pas s'il a ça. C'est une des feuilles qui ont été traduites en français des paroles du Cheikh Al-Albani rahimahullah qui ont été prises, je pense, d'une cassette ou d'un livre où Cheikh Al-Albani précise bien et explique quand c'est que le vinaigre est interdit et quand c'est qu'il est permis. Est-ce que vous l'avez cette traduction? Est-ce que vous l'avez? Vous m'entendez, Abou Mohamed et les autres frères qui n'ont pas le. Qui n'ont pas le. Naam. Abou Mohamed, t'as pas entendu parler de la traduction. Et les autres qui n'ont pas le. Bilal Salafi. Et les autres. Abu Talib, bon, je crois qu'il n'est pas là. Ouais, si tu l'as. Il est important, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a bien expliqué ça. A très très bien expliqué. Et Cheikh Rabi, il a une cassette où il explique ça. Inch'Allah que ce soit là. Barakallahu fik. Ou Cheikh Rabi aussi, il a une cassette où il explique ça. Il a à peu près, il partage à peu près le même avis que Cheikh Al-Albani sur la différence entre le vinaigre qui a été fait par la nature d'Allah et Ta'ala tout seul et le vinaigre qui a été, si tu vois, fabriqué par les gens comme ça. Bon, ils font une différence, ils expliquent bien ça dans le col de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, regardez la traduction, essayez de regarder les paroles de Cheikh Rabia sur le vinaigre. Maintenant, Ibn Taymiyyah est sorti encore. essayez d'inviter qui vous avez dans votre liste, invitez. Moi j'essaie d'inviter à chaque fois, invitez tous les gens que vous avez dans votre liste. Abou Mohamed, vas-y, bismillah. Allez, prenez le micro, inchallah. Celui qui n'a pas Abou Mohamed, celui qui lui est permis de prendre le micro et qui n'a pas le point rouge, bismillah, prends le micro, bismillah. Salam alaikum, Akhif Khalid. Je ne sais pas, inchallah, je pense qu'on va attendre Cheikh pour poser les questions, wallahu alam. Pendant ce temps-là, bismillah, si tu peux encore nous faire profiter de quelques conseils ou quoi que ce soit, Yanni, qui pourrait nous être utile, ou continuer comme tout à l'heure dans la mahabbat fillah jusqu'à que Shir réussisse à gérer ses problèmes. Barakallahu fik wa jazakallahu wa khairan. Allah ybarik fik wa jazakallahu khairan anta kadhalik. Donc je continue et je dis tout le temps aux frères et aux sœurs, ceux qui ont, les frères, des gens dans leur liste qui les invitent, ceux qui ont des sœurs, les sœurs dans leur liste qui les invitent, barakallahu fikoum. Il y a des frères et sœurs pour les faire profiter des réponses de Cheikh et des paroles de Cheikh. Et je continue ce que je disais tout à l'heure sur la traduction des paroles de Cheikh, ce serait qu'on conseille la mahabba, l'amour pour Allah et tabaraka wa ta'ala. Donc je disais que Cheikh tout à l'heure était en train de nous expliquer certains hadiths et des paroles des ulama sur ce qui concerne ce sujet qui fait partie de la lance la plus solide qui peut se briser, hein, dans la foi, qui est aimer pour Allah et tabaraka wa ta'ala et détester pour Allah et tabaraka wa ta'ala. Et ceci, ça fait partie de la foi. Et c'est ça a une grande place dans la foi. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, que vous connaissez tous, l'imam al-Sa'di, même si Cheikh Ibn Taymiyyah l'a pas cité, je vais vous le citer. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, l'imam Abdurrahman al-Sa'di, celui qui est connu pour les tafsirs du Coran et qui est connu pour Uloum al-Islamiyya al-Ukhra, qui est très très connu, ou l'imam al-Sa'di, Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, a dit dans son tafsir que le hub fillah et le bourd fillah, il a même dit dans son livre, je crois, de Tawhid, c'était min lawazim la ilaha illallah, c'était les choses qui exigent et qui impliquent pour la parole de la ilaha illallah, ça faisait partie de lawazim la ilaha illallah, le hub fillah ou le bourd fillah. Ça c'est les paroles de Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Oui, parce que celui qui aime pour Allah et ta'ala, ceci prouve qu'il aime Allah et ta'ala, et ceci prouve qu'il aime ce que Allah et tabaraka wa ta'ala aime. Et Allah ta'ala aime les croyants, aime les pieux, aime ceux qui craignent Allah, aime les sunnites, aime ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime ceux qui défendent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime ceux qui ressemblent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime ceux qui suivent et qui font pas de bid'a, aime ces gens-là, aime ces croyants Allah ta'ala. Donc toi, si tu aimes cette personne, en vérité tu l'as pas aimé pour lui, parce que nul n'est aimé pour sa personne, mais tu as aimé pour Allah. Il n'y a qu'Allah qu'on aime, Allah pour lui, pour Allah Ta'ala. Lakin tout le monde, on les aime pour Allah, ou on les déteste pour Allah. Donc, ceci, c'est partie de la ilaha illallah. Ça prouve ton unicité, l'unicité que tu as, et ton tawhid, l'unicité que tu as donné à Allah Ta'ala dans tes sentiments d'amour que tu as réservé seulement et visé seulement Allah. Même les gens et les créatures, tu les as aimés pour Allah. Et c'est pareil quand tu détestes pour Allah. Donc c'est toujours ça à savoir, et c'est très important lorsqu'on apprend le tawhid et on apprend l'amour pour Allah et Ta'ala, et détester pour Allah et Ta'ala, donner pour Allah et Ta'ala, empêcher pour Allah et Ta'ala. Et c'est connu le hadith qui est authentique aussi, que le messager alayhi salat wa salam, lorsqu'il dit man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imanuh. Hadha hadith sahih sahahu Sheikh al-Albani wa ghayruhu. Ce hadith qui dit, celui qui aimera pour Allah et détestera pour Allah et donnera pour Allah et empêchera pour Allah, c'est-à-dire ne donnera pas, il empêchera et ne donnera pas, celui-là aura complété sa foi. Sa foi sera complétée, elle sera complétée. Donc ça prouve que le choub fillah, aimer pour Allah, et de détester pour Allah, et de donner pour Allah, ça fait partie de la foi, et ça complète la foi. Donc, ceci, ça prouve que aimer pour Allah, elle a une grande place dans la foi du croyant, du musulman. Donc, comme a dit le frère, tous les fitnas, tous les problèmes, les divergences des gens et les croyants, en vérité, ça revient à ce sujet-là et à ceci. Et pourquoi ? Parce qu'en vérité, on ne sait pas si cette haine qu'il a eue, en vérité, contre son frère, c'était pour Allah. C'est comme la question qui a été présentée, que Cheikh doit répondre et qui n'est pas arrivée. Lorsque tu entends que telle personne aime pas telle personne ou met en garde contre telle personne, on ne sait pas, Wallahu alam, si ceux-là, ils ont vraiment mis en garde contre telle personne, hein, pour Allah, et pour l'amour d'Allah, et pour le dîn d'Allah. Mais alhamdulillah, il y a des signes sur ça. Moi, je me souviens, on était à Marseille, il y a à peu près quelques années, il y avait un frère qui était pour une personne qui était, faisait soi-disant partie des gens de la science, qui était de Saoudi, qui n'était pas saoudien. Il y a eu des critiques et des répliques de pas mal de ulama qui ont mis en garde contre lui. Et ce frère qui habitait vers Marseille était toujours accroché et aimait toujours cette personne malgré qu'il y ait eu les critiques des grands ulama sur lui et sur celui qu'il aime, ce chir-là, et qui ont demandé de le délaisser. Et bien, il y a pas mal de frères vers Marseille qui ont fait le hajr, ils l'ont délaissé et qui ne lui parlaient pas et qui mettaient en garde contre ce frère. Jusqu'au jour que je me suis rassemblé avec Cheikh Abdelhadi, je pense que vous le connaissez, de Marseille, et avec cette personne qui avait ce problème-là, avec ses autres frères, et on a discuté tous les trois, et que le frère a tout reconnu, et a délaissé ce Cheikh, et a fait tawba, et a dit, alhamdulillah, maintenant, après m'avoir assis avec le frère Farid et le Cheikh Abdelhadi, j'ai été éclairci sur beaucoup de choses, je reviens, il n'y a pas de problème. Donc, on a dit à nos frères, c'est bon, le frère, il a reconnu ses fautes, c'est bon, c'est votre frère, on n'en parle plus. Vous vous aimez, vous continuez pour l'amour d'Allah et Ta'ala. Eh bien, il y a certains frères qui sont venus me voir, ils m'ont dit, comment ça? Est-ce que c'est possible? Tu peux venir dire ça, Farid? Comment ça? Tu vas me faire croire que maintenant je vais lui dire salam alaikum, et maintenant qu'il est devenu salafi, jamais je pourrais lui dire salam alaikum, c'est fini ce frère et tout. Eh bien, moi je lui ai dit, Allah alaikum mon frère, ceci fait partie des signes, peut-être que tu l'as pas, tu t'es pas écarté de lui, et que tu l'as pas, t'as pas mis en garde contre lui, et que tu l'as pas détesté pour Allah. Sinon, comme si tu l'aurais fait pour Allah, et ben maintenant tu l'aurais aimé pour Allah lorsqu'il est revenu. Car tu l'avais fait pour Allah, pour la sunna du messager d'Allah, pour le sentier d'Allah. Donc maintenant qu'il est revenu à son erreur, et il a reconnu sa faute, toi tu dois l'aimer encore plus, à cause qu'il est revenu, et à cause de cette tawbah, que Allah il aime les tawabin, Allah il aime ceux qui se repentent. Donc là ça prouve que tu n'as pas fait ça pour Allah. Si tu as vraiment fait ça pour Allah, tu dois revenir à lui comme tu t'es écarté au début de lui pour Allah. Voilà, ça fait partie aussi des signes. Et là le hadith qui vous a cité tout à l'heure, qui est sahih, Cheikh Ibn Taymiyyah Abu Abdullah, il parlait de ça lorsqu'il dit, le messager, Ahib habibaka hawlamma asa an yakuna barivaka yawman ma wa abrib barivaka يوم هون الماء عسى أن يكون حبيبك يوما ما. Vous avez sorti le hadith. Détends ton bien-aimé, hein, avec une certaine réserve, Seigneur. Peut-être jusqu'à, parce que peut-être il pourrait être un jour ton ennemi. Et déteste ton ennemi avec une réserve, car il pourra être un jour ton bien-aimé. C'est-à-dire cet amour, elle ne soit pas exagérée au point que tu l'aimes, et que cet amour te ferme les yeux, hein, et après tu ne peux plus jamais le détester quand il fait des fautes ou là quand il sort l'islam. Barakallahu alaykum salam wa afwan ya bint mi ma shiftak. Tafadhal bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت أخي فريد، في صوت، إذا في صوت صوت اكتب لي واحد جزاك الله خيرا. إذا في صوت اكتب لي واحد جزاك الله خيرا. ثم إذا في صوت، إذا في صوت يعني جزاك الله خيرا، قبل أخاف أن ينقطع مرة أخرى أعطيك اللاقط مرة ثانية وتخبرني عن الأخت، عن السؤال الذي أرسلته إليك وماذا فعلت جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي فريد خذ اللاقط جزاك الله خيرا واخبرني عن السؤال هذا تاع الأخت حتى أطمئن، يعني ماذا فعلت بالضبط؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوان، يا ابن تيمية يا شيخ، في صوت تسمعني بارك الله فيك؟ ابن تيمية تسمعني؟ الحمد لله الحمد لله. أختصر الكلام حتى تعود إلى كلامك وإلى الدرس وإلى أجوبة عن الأسئلة، لأن الإخوة منتظرون. نعم قد وصلتني الرسالة يا ابن تيمية اليوم فقط، أنا ما استفتحت الليماي إلا اليوم بعد العصر، وأخذ الحمد لله الأسئلة السؤال كامل وفهمته، ولكن رحت باش نسأل أحد العلماء ثم انتهى من الدرس وراح، ما استطعت نعرضه عليه. ولكن أبشر إن شاء الله بكرة وهذه اليومين، هذا بكرة خميس وجمعة، سأسأل الشيخ المفتي مكة هذا سبيل والشيخ ربيع والشيخ بنا ومشايخ، لأن الآن أخذت سؤال بالعربية كما أرسلته وجمعته في يعني وفهمته والحمد لله، سأقرأه كما كتبته أنت، سأقرأه على الشيوخ كما كتبته وأفصل لهم أنا كما فهمتني في المرة الآخرة لما قلت لي بأن ما يعرف كذا. المهم السؤال موجود أخذته اليوم وإن شاء الله سألقيه وأطرحه على المشايخ إن شاء الله تبارك وتعالى بكرة. قلت لك اليوم حاولت نطرحه على أحد العالم من كبار علماء، ولكن انتهى الدرس وذهب ولم يعني أكن لي، لم تكن لي فرصة حتى أطرحه عليه. فجزاك الله خير. بكرة وبعد بكرة يومين يعني أخصصهما ل يعني جمع فتاوى علماء العلماء الإسلام والعلماء الموجودين في مكة للجواب عن هذا السؤال الذي أرسلته إلي من طرف الأخت هذه. والله يبارك فيك وإليك اللاقط، خذ اللاقط يا متمية وأكمل أسئلة الأجوبة مع إخوانك بارك الله فيك، لأن الوقت متأخر وممكن ينقطع عنك بعدين أو الشبكة تنقطع عنك. وبارك الله فيك، تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على محاولاتك لإفادتنا إن شاء الله تعالى وإفادة إخواننا وإخواننا بما يقوله العلماء، جزاك الله خيرا وأجرك الله سبحانه وتعالى. أعطي الكلمة إلى أخينا جمال 59 إن شاء الله تعالى ليتفضل مشكورا إن شاء الله تعالى. تفضل الأخ جمال 59، تفضل. تفضل الأخ جمال 59، تفضل إذا كان عندك لاقط تفضل، وإلا فاكتب وأعطي الكلمة إلى غيرك. تفضل. لا أدري هل المشكلة رجعت مرة أخرى لأني لا أسمع الأخ جمال هذا هل يتكلم أم لا يتكلم. الأخ جمال هل تسمعني؟ تكلم بارك الله فيك. أو فليتكلم الأخ أبو محمد. السلام عليكم الشيخ، هل تسمعني بالصوت؟ الأخ جمال ما عنده مايك، ولكن جمال si t'as pas de micro inshallah tu peux écrire ta question. ولكن الشيخ بارك الله فيك نعم فأعد الأسئلة بإذن الله واحدة واحدة أو اثنين أو ثلاثة يعني، لأن عندي أسئلة كثيرة جدا. إن شاء الله سأبدأ بالأولى. أنطغى قال سائل يسأل عني بين الفتنة التي وقعت بين الشيخ رابع والشيخ الشيخ فالح. قال للإخوة إنني معتدل، لا لا لا أذهب من هذه الناحية ولا من هذه الناحية، ف بعض الإخوة هجروه لأنه لم يقل أني أتبع الشيخ فالح أو أتبع الشيخ رابع، فالإخوة هجروه جميعا ولم يسلموا عليه، يعني ماذا يفعل؟ إن شاء الله نكون فيه. Il y a un frère qui demande qui a dit par rapport à la fitna qu'il y a eu entre Cheikh Rabi' et Cheikh Falah, par rapport à la fitna qu'il y a eu entre Cheikh Rabi' et Cheikh Falah, il a voulu rester neutre, il est resté neutre. Et les frères de la mosquée, Ma'an Salah al-Harabi, et les frères de la mosquée, ils ont fait Hajar. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que c'est une bid'a? Le frère il demande conseil, Inch'Allah. Barakallahu fik. هل فيه صوت الأخ اسمه هذا أبو عبد الرحمن؟ أسكيا فيه صوت. أسكيا صوت أخ أبو عبد الرحمن. هل يا pas de son Je ne peux pas parler. S'il y a 100 goulets, barakallahu fik. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. ما ادري هل فيه صوت ام ليس فيه صوت الاخ الكريم. ما ادري المشكله ممكن ما زالت موجوده. ما ادري هل فيه صوت ولا ما فيه صوت. اخ عبد الرحمن. طيب ان شاء الله ساجيبك واعطي الكلمه الى الاخ بلال السلفي يعني حتى نغتنم الوقت، لان ما رديت لي انت اذا فيه صوت ولا ما فيه صوت. تفضل الاخ بلال. يا شيخ عبد التيمية في صوت نسمع، انت اللي ما عندك الكتابه في الشاشه، الصوت موجود نسمعك، كلنا كتبنا واحدا حتى عبد الله 15 وابو محمد كلنا كتبنا واحد فيه صوت. انت عند الشاشه ما تظهر الكتابه الظاهر والله اعلم. تفضل ابن تيميه تفضل اجيب فيه صوت او شوف السؤال الثاني او كما تريد. بسم الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله. كما قلت انت والله ما فيه ما في كتابة هنا على الشاشة، إذا تدخل فيه صوت أنا أتكلم وفيما بعد تخبرونني هل سمعتم شيئا أم لا، هل سمعتم الجواب أم لا. Donc moi je ne vois rien ici sur l'écran, je ne vois rien qui est écrit pour que je sache si vous m'entendez ou pas. Khalid Mekki ou Asmo Abdullah 15, ils disent qu'il y a le son et vous m'entendez. Donc moi je réponds ce qui concerne la fitna en ce qui concerne Abu Abd Rahman. Naam. Entre la fitna qu'il y a entre Cheikh Rabi' et Cheikh Falah, bien sûr, quiconque yani la zawajal l'a aidé, l'a guidé, afin qu'il ait vu où est le vrai, où est le juste, celui-là il doit avoir, comment on dit, il doit avoir un parti pris. Quiconque yani sait où est la vérité, la zawajal l'aide à ce qu'il voit la vérité, il faut qu'il soit toujours du côté de la vérité. Maintenant, si notre frère Hada n'a pas, peut-être qu'il est nouveau, peut-être qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, peut-être il n'est pas obligé d'avoir un parti tant qu'il ne voit pas la lumière, il ne voit pas où est le faux et le juste. On ne peut pas dire à quelqu'un tu es obligé de dire que X a raison même si tu ne sais pas, parce que la Zawajal il nous jugera d'après de quoi on a été convaincu. La Zawajal nous jugera de la chose dont on est convaincu. C'est pas on dort et on dit on n'est pas convaincu, mais on cherche la vérité. Ensuite, si on arrive à la vérité, on doit prendre un parti. Si on n'arrive pas, Allah Azza wa Jal ne nous punira pas. Pourquoi? Parce qu'on a essayé, on n'a pas pu. En ce qui concerne la fitna qui se passe entre Cheikh Rabi et Cheikh Falah, ce dont je suis convaincu, inshallah ta'ala, en mon cœur, c'est que la raison est du côté de Cheikh Rabi, pas de Cheikh Falah. Parce que Rabi c'est un grand alim, c'est un grand savant. Là où Zaki Allah Ahadam, ça suffit que Cheikh Al-Albani rahmatullah a dit, il y a pas en ce monde, en notre temps, il y a pas quelqu'un qui est plus fort en ce qui concerne de connaître les gens et dire celui-là et je suis là il faut plus que Cheikh Rabi. Il a dit Hamil li wal jarh wa ta'dil. Hamil li wal jarh wa ta'dil. C'est un vieux de je ne sais pas combien, 80 ans ou là qui les a passé toutes dans la science, dans le ilm. Ensuite il vient quelqu'un qui vient tout juste de terminer une licence sharia. Ensuite il y a les gens qui tournent autour de lui, ils essayent de le gonfler. Ensuite il va dire moi je suis le savant, c'est pas Cheikh Rabi, Cheikh Rabi n'a pas d'ilm, Cheikh Rabi ça. Ensuite il commence à insulter Cheikh Rabi, c'est un imbécile, Cheikh Rabi c'est ça. C'est pas comme ça qu'Allah Azza wa Jal a dit de marcher. C'est pas comme ça qu'on adore Allah Azza wa Jal, mais on adore Allah Azza wa Jal quand on respecte les grands ulama, quand on respecte les grands savants, les héritiers des prophètes. Ce sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent rien comme héritage. Ils laissent quoi? La science. Il suffit que Allah Azza wa Jal t'aide pour que tu hérites la science. Moi je ne veux hériter ni les palais ni les belles voitures. Je veux hériter la science que le prophète alayhi salam a laissé. Cheikh Rabi c'est un héritier de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Falah c'est un petit étudiant qui vient juste d'ouvrir les yeux, juste une petite licence. Et même Cheikh Mohsen Abed a dit de lui qui est son maître, son enseignant. Il a dit Cheikh Falah quand il était mon élève, il était parmi les derniers, il sortait parmi les derniers au classement, parmi les neuf derniers ou les treize derniers si j'ai pas oublié. Ensuite il y a certains, c'est les Algériens qui l'ont gonflé, pas d'autres. Tout le temps il téléphone, qu'est-ce que tu penses de X? X il est innovateur, qu'est-ce que tu penses de X? Innovateur, qu'est-ce que tu penses de X? Mubtada. Il a fait sortir tous les gens de la salafia et presque de l'islam. Ils sont tous des innovateurs, tous, sauf qui? Sauf comme a dit Cheikh Mohsin Abed, sauf ceux qui ne lui ont pas téléphoné. Sauf les gens qui n'ont pas téléphoné à Falah ne sont pas des innovateurs, alhamdoulilah, ils ne sont pas encore sortis du salafia. Tous les autres sont sortis. Allô, qu'est-ce que tu penses de X? C'est un innovateur. Qu'est-ce que tu penses de X? Il ne parle pas de X. Ah, il ne parle pas de X. Alors il est comme eux. Alors c'est un innovateur. Et ça est devenu une grande fitna maintenant. La fitna de ce qu'on appelle des haddadistes. Une très très grande fitna. Alors il faut que vous vous éloigniez au maximum. Moi je vous conseille, comme vous conseillez les grands ulama, les grands savants, c'est de chercher la science, cherche la aqida, cherche le hadith, cherche le fiqh, cherche la sira. c'est de ça que Allah Azza wa Jalla te questionnera yom al-qiyama. Mais quand je te dis que la raison avec Cheikh Rabi'a, bien sûr, ça ne veut pas dire que du matin au soir on va parler seulement de ça. Du matin au soir on va chercher toutes les fautes que vont faire la salah. On va yani, passer tout notre temps à dire voilà, il s'est trompé en cela, on rend cela. Nous on ne fait pas comme on cela. Nous on cherche seulement la vérité. Quand on la connaît, quand on nous demande, on la montre, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on essaye de que la plupart de notre temps aille en quoi? Aille dans la aqidah, apprendre la sunnah. Maintenant, il y a des gens qui, wallahi, salaf marat, qui connaissent pas un hadith sahih. Tous les hadiths qu'ils connaissent, s'ils connaissent, ce sont des faux et des faibles. Ensuite, ils parlent du matin, la prière du fajr, à la prière de l'isha, sur ce qui se passe entre les deux. Et on dit, va apprendre la aqidah. Cheikh Rabi'a, lui, en personne, il dit, arrêtez de vous occuper de ça. Apprenez la aqidah. Allah Azza wa Jalla, tu vas mourir demain, il va te demander, sur, il va te poser des questions sur la aqidah. Sur, il va pas dire qui a raison, Cheikh Flan. Apprends la aqidah, apprends le ilm. Ne passe pas ton temps en ces choses. Si tu veux, de temps en temps, tu demandes ce qui se passe, tu sais où passer, d'accord, mais tu passes tout ton temps à chercher yani, les fautes et à t'occuper des fautes, c'est pas ça l'islam, wallah, c'est pas ça l'islam, wallah, c'est pas ça l'islam, wallah. Wallah ta'ala alam. Quelle est ta deuxième question, Abu Abdurrahman? Tafadhal, barakallahu fik. تفضل الأخ أبو عبد الرحمن، انتظر السؤال الثاني. تفضل الأخ فريد، نسمعك، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم الشيخ، قبل أسأل ما تبعد الدرس، هل يمكن أن تطرد من هذا الموقع الأخ يونس ألف يونس مية، أن تطرده من هذا المكان إن شاء الله، بارك الله فيك، لأنه يفتن الإخوة، بارك الله فيك، أن تطرده من هذا الموقع يونس مية، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ ابن تيمية. يا أبا محمد 34، أبو محمد فهم ابن تيمية، speak with you، لماذا يطرد pourquoi il met dehors et bounce Younes 100؟ فهم الشيخ أبو عبد الله أكثر، فهم الشيخ أكثر، وكل شخص ما يستطيع يطرد واحد وهو لا يدري ماذا عليه. يقول لك أن الشيخ أن هذا يونس مية أن يعطي في الخاص بعض الناس، يكذب الشيخ وبعض الأشياء. نعم شيء موجود هو، إلا إذا كان خرج. المهم لك اللاقت يا شيخ، انت المسؤول عن الغرفة، بارك الله فيك، بسم الله. السلام عليكم الشيخ، في صوت ان شاء الله؟ نعم الأخ يونس ميا، يعني يقول لبعض الإخوان أنك كذاب وأنك تدعو إلى منهج الشياطين، فأطرده من هنا إن شاء الله، بارك الله فيك. يونس ميا، بارك الله فيك. Cheikh, j'ai baissé la main, j'ai perdu mon tour. السلام عليكم ورحمة الله. فيما يخص يوسف ميا، عفوا يونس، يونس ميا ليس موجودا عندي في القائمة، أنا بحث جيدا il n'est pas dans la salle. أنا je vois pas يونس ميا هنا dans la salle. S'il est là vous me montrez. أنا je le trouve pas. J'ai bien cherché les noms. Il y a pas يونس sans. Premièrement. Deuxièmement, s'il dit que j'ai pas bien entendu ce que tu as dit, mais s'il dit que je يعني ندعي الى لي جون تاع مذهب شياطين وكذا. الاخ قلت لك يونس ميا ماهوش موجود هنا، واذا يعني لم اجده انا في الاخر، وقوله يقول ما يقول هذا لا يضر كثيرا، هذا لا يضر كثيرا، لانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين، كل نبي وكل اتباع النبي لهم اعداء من شياطين كما لا يخفى عليك. تفضل الاخ ابو عبد الرحمن. اخ ابو عبد الرحمن تفضل، جزاك الله خيرا. تفضل الاخ ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن اللاقط معك، تفضل جزاك الله خيرا. اذا لا تستطيع ان تتكلم الاخ ابو عبد الرحمن، اذا لا تستطيع اعطي الكلمه لصالح عشرة، اعطي الكلمه لصالح عشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على هذه النصيحة الأخ صالح عشرة، لكن قلت شيئا ليس بصحيح لابد أن أنبه عليه، قلت شيئا ليس بصحيح ولابد أن أنبه عليه. قلت في هذه الغرفة لم نستفيد أبدا، والكلام لا يدور إلا حول فلان وفلان، وهذا ليس بصحيح، وأبدا لم يكن الكلام حول فلان ولا فلان، ولعل هذه أول مرة وقع الكلام حول فلان في دقيقة، وإلا فإن الغرفة كلها من بداية إلى أولها فقط عقيدة وحديث وتفسير وأحاديث، أحاديث شرح أحاديث وعقيدة وفقه، ولم نتكلم في شخص أبدا إلا في هذه اللحظة دقيقة أو دقيقتين. ثم فوق هذا لم أراك، هذا أول مرة أرى اسمك في القاعة، أول مرة أرى اسمك في القاعة، جزاك الله خيرا. يعني الإنسان لا يبالغ، أنت لا يبالغ حتى لا يشوه ولا يحكم على الناس هكذا بسرعة، جزاك الله خيرا، لأنه لو سمعك أحد لقال سبحان الله، لقال إذن هذه الغرفة ما فيها علم، الغرفة كلها عن فلان وفلان. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك الأخ. تفضل الأخ أبو عبد الرحمن، تفضل. أخ أبو عبد الرحمن تفضل، جزاك الله خير، إذا عندك سؤال ولا أعطي الأخ مصباح. أخ مصباح تفضل، إذا أبو عبد الرحمن لا يستطيع الكلام تفضل حتى لا نضيع الوقت. تفضل الأخ مصباح أو أبو عبد الرحمن تفضل. أخي فريد كنت رفعت يديك قبل دقيقة، ماذا تريد؟ لأنه لا أسمع أحدا يتكلم. السلام عليكم، تسمع يا ابن تيمية؟ تسمعوني؟ تسمعني يا إخوان؟ في صوت أبو محمد ابن تيمية يا شيخ أبو عبد الله، تسمعوني؟ ابن تيمية تسمعوني يا شيخ؟ اصبر نشوف ابن تيمية يسمع ولا لا. يا شيخ عبد الله الحمد لله، لا ما عندي شيء، بس كان لما انت يعني كان كلامك كان كافيا، كنت اريد ان انصح الاخ صالح عشرة لان اعرفه، وكنت اريد ان انبهه انه ما دخل الغرفة الا قريبا، وما كان عليه أن يتشرح الحكم هكذا وكذا، بس انت خلاص نصحته وذهب وأصلحنا الله وإياه. تفضل يا شيخ تفضل، بسم الله لاقت. يا إخوان في صوت؟ يا أبا محمد بلال السلفي ابن تيمية فيه صوت؟ يا شيخ أبا عبد الله عبد الله غمصاص حياك الله فيه صوت؟ يا شيخ أبا عبد الله شيخ محمد ابن تيمية تسمعوني؟ ما أدري الشيخ ما يسمع. يا شيخ أخ فريد هل فيه صوت؟ أخ فريد هل فيه صوت؟ رأيتك يعني فوق على أعلى القائمة عفوا، لكن لم أسمع شيئا مع الأسف، لم أسمع شيئا مع الأسف. فريد يناديك على العام، هل تسمعه؟ لا أسمعه، لا أسمعه. لا أسمعه، ممكن أخرج دقيقة وأرجع لأني لا أسمعه، لا أسمعه. طيب أخرج وأرجع. طيب يقول أنهم يسمعونني لكن أنا لا أسمع شيئا، ولهذا لم أسمع ماذا قال الأخ فريد مع الأسف، لم أسمع ماذا قال الأخ فريد مع الأسف، فماذا أفعل؟ استغفر الله وأتوب إليه. حتى ما في حتى يعني حتى حتى السؤال لا يصلوني، هذه مشكلة، هذه المشكلة. إذا حتى لا أنسى، حتى لا أنسى، طيب حتى لا أنسى، حتى لا أنسى، قلت إن شاء الله تعالى موعدنا يوم السبت مع الأخ فريد في ليكسبيكاسيون دي تخوا فوندمون، وإن شاء الله موعدنا يوم الأحد في درس يعني نتم أين توقفنا في الفقه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أعطيكم نصيحة إن شاء الله تعالى. نعم جزاك الله خير الأخ عبد الله. قلت nous il faut que il y ait dans notre cœur la première et la chose la plus importante c'est quoi c'est de faire يعني d'adorer Allah سبحانه وتعالى. لابد أن يكون في قلبنا يعني يكون مترسخا متأصلا ما هو أننا نعبد الله سبحانه وتعالى. mais comme l'adoration ne suffit pas c'est pas quelque chose que يعني avec le cœur seulement ça suffit il faut qu'il y ait des conditions. وكما لا يخفى عليكم كما أن العبادة يعني لا يكفي فيها مجرد النية، بل لابد من شيئين أساسيين، وإلا فإنه لا تكون هناك عبادة فضلا عن كونها تكون صحيحة ومقبولة. donc comme j'ai dit afin que l'adoration soit acceptée par Allah Azza wa Jal il faut qu'il y ait deux grandes conditions. la première condition il faut que ce qu'on fasse يعني on soit sincère avec Allah Azza wa Jal. il faut qu'on soit sincère avec Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih qui dit que les trois premières personnes qui rentreront en enfer yom al-qiyamah, ce sont trois personnes qui auront des problèmes avec quoi? Avec la sincérité. L'un d'eux aura appris le Coran. Pourquoi? Parce que pour que les gens disent c'est quelqu'un qui a appris le Coran, il sera le premier à rentrer en enfer dans un hadith sahih. Et le deuxième, quelqu'un qui a fait le jihad pour que les gens disent c'est un courageux. Et le troisième, quelqu'un qui dépensait de l'argent, faisait de l'aumône pour que les gens disent celui-là c'est quelqu'un yani qui fait l'aumône et quelqu'un qui yani naqul bilugha al-arabiyya naqul insan hada naqul sakhi c'est quelqu'un qui donne de l'argent etc. Donc voilà les trois faisaient des choses pour Allah Azza wa Jal, mais c'est les trois premiers à rentrer en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sincères, ils faisaient à cause des gens. أول شرط كما يقول العلماء هو ماذا؟ هو الإخلاص. ولهذا فإن أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة ثلاثة أشخاص كلهم مشكلتهم في ماذا؟ في الصدق مع الله عز وجل. أما الأول لأنه حافظ القرآن يقال عنه حافظ ويقال عنه عالم، والثاني لأنه جاهد يقال عنه إنه شجاع، والثالث لأنه كان يتصدق بماله، لكن ليقال عنه إنه جواد. لحظة لو سمحتم. نعم، فيما يخص أخي صالح، إذا كنت قلت لك شيئا أغضبتك فيه فأنا استسمحك من الآن، استسمحك من الآن، ويعني أطلب منك أن تسمح لي وأن تغفر لي. قل للذين آمنوا يغفروا، يغفروا كما قال الله عز وجل، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا. إذن أطلب منك أن تسمح لي وأن تغفر لي إذا قلت فيك شيئا يعني لم يعني لا ينطبق عليك، جزاك الله خيرا، كنت في حالة غضب. وش أما الشرط الثاني، عفوا، إذن دونك هذا هو الشرط الأول، أن يكون هناك إخلاص مع الله سبحانه وتعالى. Et la deuxième condition, des fois on est très sincère avec Allah Azza wa Jal, mais ça ne suffit pas pour que l'action et pour ce qu'on fasse soit accepté. Ça ne suffit pas, on est très sincère, on aime Allah, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que il faut, si on vraiment on aimait Allah et on était sincère avec lui, il faut suivre ce que Allah Azza wa Jal nous a dit de suivre. Il nous a dit de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Donc ça ne suffit pas de dire moi je suis sincère, mais encore faut-il, si tu es sincère, tu suis ce que t'a dit Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal t'a dit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu le délaisses et tu fais des choses comme ça avec ton cœur parce que tu es sincère? Si tu étais sincère, tu aurais suivi le courant et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu n'aurais pas fait des choses comme ça de ta tête. Donc il faut deux grandes conditions pour que Allah Azza wa Jal accepte de nous l'adoration. قلت والنية والإخلاص وحده لا يكفي، بل يشترط أن يكون هناك مضافا إلى ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون العمل هذا صحيحا في ميزان الشريعة، لأن الصدق وحده لا يكفي، لا يكفي أن تكون صادقا مع الله عز وجل ثم تأتي بأشياء تحارب بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و يعني تأتي ببدع لا يحبها الله عز وجل، وتأتي بمخالفة شرعية تجعلك بعيدا عن ما يحبه الله عز وجل وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصدق وحده لا يكفي أبدا، ولا أعرف كما قال شيخ الإسلام، لا توجد هناك فرقة أخلص من الفرق الإسلامية الضالة أكثر من الخوارج. الخوارج أخلصوا عباد الله سبحانه وتعالى لله، إخلاص كبير، يحكي لوحدكم صلاته مع صلاتهم وقرآنه مع قرآنهم، مخلصون، إن الحكم إلا لله، يحبون الشريعة، يحبون تطبيق الشريعة، يحبون، يقرؤون القرآن أكثر منا، يصلون أكثر منا، لكن ما هي النتيجة؟ كلاب النار، شر الخلق والخالقة، شر الخلق والخالقة. لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، طوبى لمن قتلوه وقتلهم، وهكذا، مع أنهم أخلص الطوائف، لكن ماذا فعلوا؟ نبذوا السنة وراء ظهورهم، وكفروا الصحابة، وكفروا بالكبيرة، وظنوا أنهم على شيء، فكان جزاؤهم أنهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دونك أتخسن سغبك الله سبحانه وتعالى. Sans suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne te sert à rien, parce qu'il n'y a pas plus sincère que les kharijites. Les kharijites, ce sont les plus sincères, comme m'a dit Cheikh l'Islam. Ils lisent le Coran, comme m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous. Ils font la prière plus que nous, plus des centaines de rak'at la nuit. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. السلام عليكم ورحمة الله. والله أنا كنت أتكلم لكن ما أدري هل أنتم كنتم تسمعون أم لا، لأني فجأة رأيت الأخ فريد يتكلم فقلت إذن ما فيه صوت، فما أدري هل يعني كنتم تسمعون، كان يأتيكم صوتي أم لم يكن يأتيكم، وإذا كان يأتيكم لا أدري أين بون. طيب هل كنتم تسمعون وأين توقفت أنا بالضبط؟ نعم، يعني كنت أتكلم عن الخوارج، هل وصلكم الكلام عن الخوارج؟ نعم كنت أتكلم عن الخوارج، je parlais des خارجيت، est-ce que يعني vous m'avez entendu parler des خارجيت؟ نعم حتى وصلت إلى الخوارج. نعم جزاك الله خيرا أخ عبد الله، جزاك الله خيرا. donc je disais que les خارجيت هذو les خارجيت sont des gens لم ينفعهم. نعم ce sont des gens qui étaient très très sincères. Mais ce sont les chiens de l'enfer, et quiconque les rencontrera, s'il les tuera, il aura un grand bienfait, et s'il le tue, il mourra shahid. Et tout ça pourquoi? Parce que la sincérité, ils se sont basés sur la sincérité et ils ont délaissé la sunna derrière leur dos. Ils ont délaissé la sunna derrière le dos. Ils ont dit tous les sahabas sont des kuffars, tout celui qui fait un grand péché, il boit le vin ou la, il vole ou la, c'est un kafir. Il sortira pas de Jahannam, et tout ça c'est à l'encontre de la sunna. Donc Allah Azza wa Jalla les a châtiés et il a dit voilà, le jour du jugement dernier ils seront en enfer, etc. Et pourquoi? Et pourtant ils sont très sincères, ils ont fait de grandes guerres. À cause de quoi? Ils voulaient la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète alayhi wa sallam a dit c'est pas cela le chemin, tu dois être sincère avec Allah et ensuite tu apprends sa religion, tu apprends ce din et tu apprends la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité elle-même ne suffit pas. Allah azza wa jal قال في القرآن قال قل من كان يؤمن مشاري من كان يؤمن بالله لا آخر سورة الكهف من كان يؤمن بالله آخر سورة الكهف فليقل فليعمل قل من كان يرجو والله نسيت الصور، نسيت آخر ماذا قال في صورتك، ما كان يرجو اليوم لا. طيب الله عز وجل قال في آخر صورة الكهف يعني قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم من كان يرجو لقاء ربه، بارك الله فيك جزاك الله خير، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يشرك بعبادة ربي أحدا الصدق مع الله la sincérité. quiconque veut rencontrer Allah تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي، عدم الشرك هو الصدق مع الله والإخلاص. وليعمل عملا صالحا في اتباع السنة، وليعمل عملا صالحا في اتباع السنة. وقال ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، تدعو إلى الله بإخلاص وتعمل صالحا تتبع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دونك وقال أيضا ومن طيب إذا si par exemple je suis sincère et je ne suis pas la sunna, je suis sincère et je ne suis pas la sunna. Par exemple je vais dire alors je vais faire le carême, je vais jeûner le jour de l'Aïd. Pourquoi tu jeûnes le jour de l'Aïd? J'aime Allah, je suis sincère, je l'aime beaucoup, etc. On va te dire si tu jeûnes le jour de l'Aïd tu as fait un haram et tu as fait une bid'a aussi. Pourquoi? Parce que le prophète a dit on ne jeûne pas le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd c'est un jour de manger et de boire. Pourquoi tu jeûnes? Donc si tu dis je suis sincère, on va te dire non, tu n'es pas sincère. Si vraiment tu étais sincère, tu aurais marché avec la sunna qui dit il faut pas faire le jeûne. La sunna dit il faut manger, il faut boire. Voilà la vraie sincérité. C'est pas tu jettes la sunna, tu la mets sous tes pieds, ensuite tu dis moi je suis sincère, je vais jeûner. Non, tu jeûnes pas le jour où il t'a dit il faut pas jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idan sidq wal ikhlas wahdahu la yakfi wa mathaluhu kal insan alladhi yaqul mathalan ana sum yawm al-eid. لماذا تصوم يوم العيد؟ يقول لأني أحب الله عز وجل، الله تعالى يحب الصيام، ومن صام يوما في سبيل الله بعده الله من جهنم 70 خريفا وكذا. نقول له انتظر لحظة، عندك حديث صحيح ينهاك عن صيام يوم العيد، ينهاك ويقول هو نعم ويقول هو هذا اليوم لابد أن تأكل، هو يوم أكل ويوم شرب، هو أكل يوم ويوم وأكل شرب. فلو كنت صادقا مع الله عز وجل ماذا تفعل؟ تتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهاك أن تصوم. وهكذا ensuite il viendra une deuxième personne, elle va dire moi tellement je suis sincère, tellement j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de l'Aïd je vais faire l'appel à la prière. Je vais monter sur le minaret, je vais dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadun la ilaha illallah, je vais faire l'appel à la prière comme toutes les autres prières. Pourquoi tu fais ça? Il dit parce que Allah Azzawajal aime le zikr, aime qu'on fasse l'appel à la prière. Je lui dis mais ce n'est pas vrai. Si tu étais sincère, le prophète alayhi salatu wasalam n'a fait jamais l'appel à la prière le Eid. Jamais. Si tu étais sincère, tu aurais suivi le prophète alayhi salatu wasalam, tu n'aurais pas fait de bid'a. Donc la sincérité, elle est vraie si tu suis le prophète, c'est pas si tu vas à l'encontre de ce qu'il dit. قلت وربما بعضهم يوم العيد يقول انا ايضا يعني من الاخلاص ومن الصدق ساؤذن يوم العيد. لماذا تؤذن يوم العيد؟ لان الاذان يحبه الله عز وجل وهو ذكر وهو كذا. نقول له لا كذبت، لو كنت صادقا لاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤذن يوم العيد في قط في حياته، فكيف تزعم انك صادق مع الله عز وجل وتخالف رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والقاعدة أنه إذا وجدت المحبة اختلفت امتنعت المخالفة. إذا وجدت المحبة امتنعت المخالفة، لما تحب أحدا تتبعه ليس تعاكسه. إذا كونك تزاحم وتعكس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل أنك لست صادقا مع الله عز وجل. maintenant si quelqu'un va nous dire, il va nous dire إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله عز وجل regarde ce qu'il y a dans les cœurs et les actions, c'est d'après les intentions. إنما الأعمال بالنيات يعني يكفيني أن تكون نيتي صحيحة. ça me suffit que mon intention soit pour Allah. on lui dit non, ce n'est pas vrai. pourquoi ce n'est pas vrai? on lui dit parce que l'intention ne peut pas rendre le licite haram et ne peut pas rendre le haram licite. L'intention ne peut pas faire cela. L'intention ne peut pas quelque chose de bid'a la rend sunnah, quelque chose de sunnah la rend bid'a. Non, l'intention c'est quand tu fais quelque chose par exemple pour Allah, ensuite tu te trompes par exemple. Allah Azza wa Jalla va te donner les bienfaits. Tu sors demain, tu vas dire je vais donner un peu d'argent en la cause d'Allah. Tu donnes un peu d'argent à quelqu'un, ensuite on t'apprend que quoi? On t'apprend que la personne à laquelle tu as donné de l'argent c'est un mécréant ou c'est un voleur. C'est une zaniya. On te dit l'amal binniyat. Non, ça, les intentions ici ont un rôle. Allah Azza wa Jalla va te donner des bienfaits. Pourquoi? Tu as essayé d'adorer Allah, tu t'es trompé, il va donner des ajra. Mais non pas yani, le hadith dit ne faites pas cela, toi tu vas faire le contraire et tu vas dire l'amal amal binniyat. Parce que si tu étais vraiment sincère, celui qui a dit l'amal amal binniyat, c'est lui-même qui a dit sallallahu alayhi wa sallam man amila amal laysa alayhi amruna fa huwa radd. Pourquoi tu as pris avec son premier hadith et tu n'as pas pris avec son deuxième hadith? Celui qui a dit les actions dépendent des intentions, c'est lui-même sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quiconque fait une action qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, elle n'est pas acceptée. Donc pourquoi le prophète alayhi wa sallam, tu le crois quand il a dit namal amal bin niyat et tu le crois pas quand il a dit quiconque crée une action qui va à l'encontre de ma sunna n'est pas accepté et il sera frappé avec à la figure. Donc je voudrais dire à mes frères et mes soeurs que quiconque veut que Allah Azza wa Jalla accepte de lui quelque chose, qu'il la fasse en la cause d'Allah avec la sincérité et qu'il la fasse comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de ta tête. Tu tires quoi? Tu tires comme ça des ibadat de ta tête, tu vas faire des jeûnes, tu vas jeûner comme ça de ta tête. Non, tu ne fais aucune chose avant d'avoir su que le prophète alayhi salatu wasalam a dit faites cela. Parce que les ibadat, on ne peut pas les inventer de la tête. Les ibadat, c'est le Coran et la Sunna, c'est tout. C'est le Coran et la Sunna. Omur tawqifiyya, wa laysat tawfiqiyya. C'est pas plus on est intelligent, plus on va connaître des ibadat de notre tête. Impossible. Même le plus intelligent du monde ne peut pas savoir est-ce que cette chose Allah l'aime ou l'aime pas, sauf par le biais du Coran et de la Sunna. Voilà comment on va comment on doit faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قلت إذن العبادات التوقيفية وليس التوفيقية وليس أحد يستطيع أن يعبد الله عز وجل بذكائه ولو كان أذكى الناس ولو أتينا بأذكى الناس ما استطاع أن يعرف ما هي محاب الله وما سخطه حتى يعرف حتى يلتزم بالكتاب والسنة ويعرف الأشياء التي نص عليها القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين الأشياء التي إذا فعلتها قربتك من الله وأحبك بها والأشياء التي إذا فعلتها يبغضها الله عز وجل وأبغضك من أجل فعلك إياها والله تعالى أعلم. هذا ما أحببتنا أقول. أعطي مرة كلمة إلى مرة أخرى إلى أبو عبد الرحمن هل يستطيع أن يتكلم ثم إلى الذين بعده والله تعالى أعلم. تفضل الأخ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك. ما في صوت الأخ أبو عبد الرحمن المصباح. تفضل بارك الله فيك. تفضل أنا ما لا أسمع شيئا. تفضل.